Game Trip FM, c'est tous les dimanches à 11h sur gametrip.net et sur YouTube. Wesh ma gueule. Bien. T'as vu ? Ah ! T'as vu ? Ah ! Bonjour à tous. Bonjour. Salut. Bienvenue, 25e épisode, 3e saison de notre émission Game Trip FM, l'émission de rétro gaming du site GameTrip.net, le seul site de jeux vidéo plus vieux que sélecteur et avec plus de chroniqueurs autour de la table que d'auditeurs derrière le poste. Bonjour à tous, c'est JV, je suis comme chaque mois en compagnie d'une belle brochette de gamers. Salut à tous et salut YouTube qui nous regarde avec ses gros yeux. Bonjour actuellement. Mamie. À chaque émission, donc tu as fait papa, maman, mamie, ouais. Non mais je les ai. Moi ils sont tous morts. Ah merde. D'accord. Eh bien pour après cette bonne ambiance, c'est merci. En tout cas on est bon pour le son sur le live. Hein. Je vais pas te couper mais ah, on est bon. Merci de ce petit retour technique. Moi j'ai un petit problème de son dans mon casque mais je pense que c'est parce que j'ai donné un gros coup de pied dans le compresseur juste avant de débuter cette émission. No fake. Nous sommes de nouveau en direct et en vidéo en ce mois de février pour l'émission numéro 25 spéciale Saint-Valentin. Comme chaque mois, on va parler de rétro gaming, car vous êtes sur le site de référence des jeux vidéo 10 depuis 2006. Doit-on encore le préciser ? Je ne crois pas. Tout le monde le sait. Vous nous écoutez sur Spotify aussi, vous nous regardez en direct sur YouTube pour cette VOD. On vous rappelle qu'il y aura aussi un best-of, enfin un worst-of des pires moments d'ici quelques jours pour ceux qui n'ont pas envie de regarder 2 heures de discussion en direct. Et je vais aller en enfer. Avec des connards surtout. J'ai du mal à les comprendre ces gens-là, mais quand même, bon, personne n'est parfait. Le sommaire dans 2 minutes, puisqu'on a remanié un peu l'émission le mois dernier, donc on va rappeler tout ça. Mais avant toute chose, la petite présentation. Et il devait être de retour avec nous ce mois-ci. Mais non, toujours pas, il n'est toujours pas là. Il était avec nous par téléphone ces derniers temps, faute de transport, merci les grévistes. Désormais c'est juste parce qu'il a la flemme de bouger son gros cul, malgré moult promesses. Bravo. C'est le taulier, c'est dans le milieu on l'appelle le divin chauve ou encore la vision, le grand gourou du complot Webedia. Jay est avec nous, salut Jay. Ou la branche de Bamako aussi, ça marche aussi. Non, ah non. Mais... C'est faux, ça c'est faux. Salut, salut. Ça c'est faux, c'est complètement faux. J'ai des photos. Salut tout le monde. Il était présent avec nous le mois dernier. C'était un fidèle auditeur de notre émission qui est désormais devant le micro et du coup ça baisse notre nombre d'auditeurs à 1,8. Bah oui. Selon les stats, hein, c'est Juju Splinter qui est là. Salut. Salut. Il sera ce mois-ci notre expert vieux machin et caution technique en l'absence de Jacques ce mois-ci. Hein, donc c'est lui qui reprend le. Qui reprend le flambeau suite au décès soudain de Jack. Et puis last but not least, c'est la caution. Non, allez. Pour une fois, je vais te foutre la paix avec ça. Merci. On va le présenter autrement. Il est presque beau, il est presque grand, il est presque mince, il est presque bien coiffé, mais il joue du piano debout et pour moi ça veut dire beaucoup. Voici Yako. Salut. Bonjour. Yako. Salut. Et je ne te présenterai pas comme la caution. Mais c'est la caution mobile quand même. La caution mobile des voilà, jeux que vous faire enculer, voilà. N'oubliez pas pour notre VOD, si vous la regardez en VOD et donc pas en live bien sûr, les timecodes sont notés juste en dessous de cette vidéo pour aller directement aux différentes parties de l'émission. Et sinon le best-of dans quelques jours. Ce mois-ci ça ne bouge pas, on va commencer par la rubrique que vous adorez tous, Psartek ou Balek. On fait le tour des news sur le rétro gaming dans quelques instants. Ensuite on aura désormais une chronique, ce sera ce mois-ci le True Story Bro de Yako. Au milieu de l'émission, dans 40 minutes environ, notre débat du mois de février, ce sera le prix des jeux, le prix des vieux jeux, le prix du rétro gaming, le prix des jeux récents. Vous le savez, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Alors, est-ce que les jeux vidéo sont devenus un loisir de luxe ? Est-ce que ça l'a toujours été ? J'avais envie de le faire. Est-ce que l'orthophoniste est un. J'avais envie, ça me fait rire tout seul à chaque fois. Voilà, l'argent c'est le nerf de la guerre. Alors est-ce que les jeux sont devenus trop chers ? On en débat aujourd'hui. Ensuite, on aura une autre chronique. Ce mois-ci, ce sera la toute première de Splinter. Ce sera la chronique True Story Bro. Voilà. Réessaye. Quoi ? Merde, ça va être la chronique tech, paf. Bravo, vous pouvez changer nos chroniques. Ça peut vous intéresser si vous aimez bien traficoter les trucs électroniques et les consoles. Hein. On en parlera tout à l'heure. Et puis, vous l'attendez tous dans 1h15, le tout venant de l'actu. Là, on fera le tour de l'actu. Non, on le dise et on rappellera les règles parce que les gens. Ah non, bah Jack n'est pas là, donc c'est bon. Ça va ? Non, nous on est bon. Non, tout ira bien. Et puis, donc, à la fin de l'émission, les gros beats, le grand quiz des animateurs vers la fin de l'émission. C'est comme les grosses têtes, mais avec des petits beats. Il y a toujours égalité, 16 partout. entre l'équipe Samurai et l'équipe Dallas. Et ce mois-ci, l'équipe Dallas est en supériorité numérique. Oui, c'est la première fois. C'est la première fois. Voilà, donc du coup, on verra. Eh ben, on n'est pas dans la merde. Oh, putain. Ouais, si t'es tout seul, ça ira mieux peut-être cette fois. On le rappelle, hein, j'ai un gros doute. L'équipe perdante paye le tacos à l'ensemble de l'équipe à la fin de la saison. N'hésitez pas à nous interpeller directement dans les commentaires du YouTube live. On a le chat qui s'affiche désormais à côté de nous, juste là. Voilà, à côté de nous. Ça nous fera plaisir. D'ailleurs, je remercie nos auditeurs qui sont de plus en plus nombreux à chaque émission. Faites tourner le live ou la VOD, c'est hyper important pour nous. Il y a de plus en plus de gens qui nous regardent, qui nous découvrent et qui nous disent qu'on mérite d'être largement plus écoutés. Alors, il ne tient qu'à vous de partager. Et envoyez le lien pour nous suivre sur les réseaux aussi. Facebook.gametrip.net, Twitter.gametrip.net, Youtube.gametrip.net, Discord.gametrip.net. Cet homme est un camelot. C'est vrai. Et envoyez des nudes aussi. Tout à 10 balles où je remballe. Game Trip FM sur Spotify également. Si jamais vous voulez débattre avec nous lors d'une prochaine émission, n'hésitez pas à venir sur les forums officiels. Oui, on a relancé les forums, c'est discord.gametrip.net tout simplement. Et puis ça permettra aussi de passer à l'antenne éventuellement pour une prochaine émission. C'est ouf la technique de nos jours, hein. On le dit pas assez, mais voilà, c'est incroyable. Ouais. Tout ce qu'on peut faire, c'est le futur. Moi je dis toujours ça, on n'a pas de maison sur la lune, on n'a pas de voiture qui vole, mais on a Discord. Internet, quoi. Ouais, Internet, putain, c'est ouf. Incroyable. Du coup, on peut passer à la première partie de l'émission, alors que mon casque est toujours mal en point depuis tout à l'heure. Je pense que j'ai vraiment cassé quelque chose. Et du coup, on va passer à la chronique Psartek ou Balek. Où est la petite feuille qui était là, qui a volé avec? Ah ben, elle a voilà. Certainement volé. Elle a volé en éclat. Et bah tant pis. Elle est là. Mais on là, sait. Non, pas du tout. Mais on sait de toute façon, même si on n'a pas le conducteur sous les yeux, on sait qu'on va passer à la chronique Psartek ou Balek. Psartek ou Balek. Bah oui. Alors, on est encore en train de chercher, hein. On se cherche nous-mêmes. Bah le truc. Voilà, il y a un moment de flottement dans cette émission. C'est aussi. Est-ce que c'est pas aussi ça un peu? Oh. Ah. Ça va tout de suite beaucoup mieux. Est-ce que c'est pas aussi ça Game Trip finalement? Est-ce que c'est pas des moments de flottement, des moments de gênance, de l'approximation, de l'approximation, des mecs qui cassent le compresseur avant le début de l'émission. Voilà. Est-ce qu'on n'est pas sur finalement une émission homemade, travaillée avec les moyens du bord? Je vais vous demander de parler bien dans le micro, mes amis, quitte à le prendre dans les mains. Allô. Je disais à jeune marié. Et on va commencer avec Psartek ou Balek. Donc c'est, je vous le rappelle, le principe c'est on va vous donner des actus de ces derniers jours dans le monde du rétro gaming. Et vous allez vous me dire si Psartek l'info ou si on s'en fout. Donc Balek l'info. On commence par FF7 Remake. Je sais qu'il y en a qui sont très intéressés déjà autour de moi. FF7 Remake qui a été repoussé au 10 avril prochain. Il était prévu le 3 mars. On a appris juste après la dernière émission, la dernière fois, on avait parlé que finalement, il faudra attendre plus d'un mois de plus pour cet épisode 1 du remake du jeu de 97. Et du coup, son exclu PS4 a été repoussé logiquement jusqu'au 10 avril 2021. Psartek ou Balek ce report? Psartek. Psartek le report, t'adores les reports. Ouais, Psartek le report, hein, parce que... Bon, on fera ça plus tard. Non, vas-y, j'allais lancer. Parce que, okay, bah, parce que les jeux, quand ils sont reportés, après, ils sont mieux. Ouais. Ouais, si ça permet de corriger des petits bugs. Oh, c'était un gros troll, hein, non? il me semble qu'ils l'ont reporté pour simplement qu'il y ait plus de gens qui le testent pour découvrir forcément plus de bugs et pouvoir corriger ouais, plus ça, de c'est, choses. C'est ce qu'on dit en général voilà. Après. Ouais. Après, si c'est le cas, moi ça me va bien. Hein. Je peux bien attendre un mois de plus pour un jeu plus perfectionné. Quoi. T'as réussi à bouger tes congés du coup? Ouais. Ah oui, c'est vrai, t'avais pris des ouais, c'est beau. Pas de soucis. Et ça m'arrange bien le 10 avril. Ouais, bah écoute, Psartek alors. Psartek. Je crois que j'ai sans pas de PS4, voilà. Non, bah non, mais. Psartek, mais un peu Balek. Forcément. Il me semble qu'après, c'est Pâques en plus. Ah ouais, du coup, t'as un jour férié pour jouer en plus. Oh bah écoute. En vrai, je sais même pas si je vais y jouer parce que. Parce que j'aurais pas mis ça longtemps au moment-là, quoi. Bah, ça, alors ça n'arrange rien, bien sûr, t'es un con. Mais malgré tout, mais si, j'y jouerai forcément à un moment ou à un autre, j'y jouerai pas dès la sortie, je pense. Mais... Ouais, c'est pareil. Après, ce serait pas mal qu'ils sortent une petite démo avant, moi ça me plairait bien. Y'en a pas une qui est prévue, je crois. Histoire de tester un petit peu. Je pensais qu'il y en avait une gameplay. Qui était prévue. Ça a plus ou moins leaké qu'il y en avait une, alors oui, que voilà. On sait pas s'il y en a une, donc. Bon, en tout cas, ce sera le 10 avril 2021, et du coup. T'avais vu l'info comme quoi il y a un orchestre symphonique qui va jouer ouais. Justement la BO de FF7 Remake en décembre? Il y a plusieurs dates même qui sont sorties, je crois, ouais. Dans le monde. Bah, à Paris, c'est le 13 décembre en tout cas. Mais Ben voilà. Je crois qu'il y a genre ouais, Londres, Paris. Ben, c'est pas grave, Game Trip FM, ils vont nous trouver des passes, on va y aller gratos. Bien sûr. Bien sûr. À noter aussi qu'on sait qu'une version PC va sortir, ça c'était un leak, tu parlais de leak tout à l'heure. Bah, du coup, on a appris aussi qu'il y avait le leak qui disait que justement il y avait une version PC qui allait potentiellement sortir. Ouais, mais il n'y a pas de date, il n'y a rien. Non. Parce que moi perso ça m'intéresserait, mais je crois que de toute façon ça, il faudra attendre puisqu'il y a une exclue PS4 pendant un an. Oui, un an. De toute façon ce sera voilà jusqu'à avril 2021 au minimum. On parle encore d'un vieux jeu, Half-Life. Tous les jeux Half-Life qui sont dispo gratuitement jusqu'au lancement du nouveau jeu VR Half-Life Alyx. Donc ça c'était fin janvier, Valve a mis sur Steam en version gratuite tous les jeux HL1 et 2, leurs add-ons. Et du coup moi pour le coup ça m'a permis de rejouer au premier, de DL tous les autres. Et puis peut-être pour les plus jeunes ça permet aussi de se remettre ou de se mettre tout simplement dans le bain en revoyant cette série. Et à noter que d'ailleurs que du coup suite à ça on a fait une vidéo test sur Half-Life 1 qui est sur GameTrip.net, voilà je la passe comme ça. Avec une intro incroyable, ah, c'était un... forte en rebondissement, c'est je incroyable. Vous conseille de regarder, ne serait-ce que les... Tu l'as vraiment vu? Ah bah je l'ai vu. Okay. Donc t'as vu, hein, il croit que je... Ouais il m'étonne. Non, je l'ai vu. Il y a vraiment un truc incroyable au début. Non, il y a un truc incroyable au début, donc c'est à voir au moins les deux premières minutes, trois premières minutes. Après le watch time de toute façon est niqué mais... Voilà, donc et d'ailleurs, Alyx, ils ont annoncé la date de sortie pour Alyx, 23 mars. Ouais, 23 c'est vachement tôt en fait. Ouais, ouais, pour un grand jeu en entier en VR, ils l'ont ouais. Bourré. Hein. J'ai hâte de voir ce que ça donne quand même. Alyx ? Ouais. Bah, ce sera peut-être un. Comme on l'a dit le mois dernier, ouais, c'est un écho, mais. Comment on fait pour y jouer déjà ? Ouais, bah, t'as des machins dans les mains quand même. Hein. Ouais, mais bon, faut acheter le matos quoi. Bah, ouais, faut du matos en fait, c'est ça le plus chiant. En général, ils l'ont déjà, ceux qui. Ouais, mais après. On va en parler tout à l'heure, mais ils sont déjà en Valve Index. Donc, c'est le casque VR de Valve. C'est ça, Valve Index. Sont déjà en rupture de stock partout dans le monde en fait. Ah ouais. Parce que les gens ont vraiment acheté ça pour jouer à Alyx. Il se trouve que Alyx joue aussi sur un Oculus Rift ou n'importe quelle autre machine. Mais voilà. Okay. C'est, apparemment, les gens sont déjà bien hypés. Bah, à défaut de Half-Life 3, quoi, on va. On va aller sur Alyx, quoi. Je pense que c'est ça aussi. Il y aura jamais d'Half-Life 3, on le sait. Non, mais. Comme il y aura jamais de Shenmue 3, quoi. Donc. Psartek quand même, quoi. Ah oui, Psartek, bah, oui, Psartek à fond, bien bah, sûr. Bah, c'est génial de pouvoir mettre un jeu gratos comme ça. Mais après, et moi, ça m'a donné envie, du coup, j'ai refait les deux portals. Je sais, ça n'a non, aucun rapport. Ils étaient pas gratuits, mais c'est bien. Ça n'a aucun rapport, on est content. Bah si, c'est Valve. Oui, oui, bien sûr. Et c'est sur le moteur de Half-Life 2. Ah bah oui. J'ai encore une fois oublié de lancer l'enregistrement. C'est ça, j'étais juste en train de réfléchir à ça. Est-ce que c'est vraiment YouTube, vraiment Game Trip, c'est vraiment pas une émission On est homemade, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Alors, je vais vous donner le prochain Psartek Obalek et je vais courir. Cours. Allumer le truc. Et donc. Un adaptateur HDMI pour la Dreamcast. La console n'est plus vendue, hein, bah, évidemment, mais ça n'empêche pas qu'un adaptateur HDMI sera bientôt commercialisé. Si c'est pas déjà fait d'ailleurs depuis quelques jours, je crois. C'est un petit boîtier qui convertit tout simplement le signal VGA en HDMI et qui rend donc les images 480i, 480p et 576i des jeux PAL compatibles avec les écrans HD de nos jours. Ça vaudra environ 40 balles et ça permet de pas être obligé d'avoir une télé à tube pour jouer. Psartek ou Balek ? Ouais, Psartek. C'est bah, grave, Psartek. C'est une bonne idée. Le nombre de personnes aujourd'hui. Ouais, Balek perso, mais. Ouais, oui, mais toi, t'es un con, on l'a déjà dit. Aujourd'hui, t'as un podcast. Si tu veux avoir la meilleure définition, c'est cool de pouvoir jouer sur son écran LCD tranquillement dans son canapé. Je spoil à fond. Pour le truc, je vote massivement. Dreamcast, donc vous pensez bien qu'un adaptateur HDMI pour jouer à Dreamcast, ça me Psartek à fond quoi. Surtout qu'aujourd'hui, je pense que les gens passaient par des upscalers, enfin des trucs. Ouais, ou jouent sur des téléviseurs à tube quoi. Cher, ou alors sur tube. Ouais. Ou sur une image dégueulasse de LCD de maintenant. Après, tu peux jouer en VGA sur Dreamcast. Ouais, mais ça reste dégueu. Ouais, ça bah, va. Enfin, moi, je trouve quand même avoir dégueu. Une télé. Hein. C'est pas dégueu, c'est pas beau quoi, mais c'est pas dégueu. J'exagère, j'exagère, c'est vrai. Wow. Non, Psartek, hein, franchement, moi j'ai eu déjà plusieurs Dreamcast dans ma vie. Je les ai tous revendus parce que malheureusement, les blocs optiques sont souvent fatigués. Et puis du coup, ça fait chier. Et j'en cherche une. Tiens, petite annonce, je cherche une Dreamcast Sur les forums de en bon état. Trip, et s'il s'avère qu'un jour j'en trouve une, vraiment bien, cet adaptateur sera dans mon salon. Il y a plein de rétro gamers qui vont te dire si tu joues pas sur une télé à tube, t'es pas un vrai rétro gamer. Mais c'est vrai, je suis d'accord. Comment tu vas jouer à House of the Dead? Le flingue il marchera pas sur ton LCD. Oui, mais on jouera pas à House of the Dead, je suis d'accord. Mais moi je sais que je l'aurai parce que j'ai plus de téléviseur à tube, j'en ai eu un pendant longtemps, puis il est décédé. Ouais. C'était un Sony Trinitron. Bref. Merci. C'est bien ou pas le Sony Trinitron? C'est génial. On est d'accord, voilà. Ouais. Voilà, comme ça tu m'as insulté, tu m'as blessé dans mon égo de rétro gamer, donc je te le dis, j'avais un Sony Trinitron. Bah, c'est bien. C'est qui sort ça d'ailleurs? Qui c'est qui vend? Je sais pas. C'est pas Sega quoi. Non, je crois que c'est un éditeur tiers. Je ne sais pas. Je n'ai pas le nom. Jay, il a dit Balek. Ouais. Ah non, moi j'annonce c'est Balek, hein, donc j'ai pu écouter après. Ouais, moi je suis parti me faire des pattes là. La TurboGrafx 16, plus connue chez nous sous le nom de Core Graphics. Core Graphics. Oui, ou PC Engine tout simplement. PC Engine, ouais. Voilà, et de retour. Évidemment en format mini. Oh. Voilà, ça sortira le 19 mars. Il y aura visiblement tous les modèles de l'époque, donc le Core Graphics, le Turbo Graphics et le PC Engine, avec dessus des jeux cultes dont R-Type, Castlevania, Dracula, Rondo of Blood ou encore Ninja Spirit. C'est étonnamment Konami qui édite ça, enfin étonnamment non, puisque NEC qui a construit les consoles avec Hudson à l'époque. Donc Hudson a été racheté par Konami il y a pas mal de temps, donc Konami ensuite fermé tout le merdier, a racheté le catalogue, et du coup maintenant ils en profitent pour se faire un petit peu de pépette en ressortant une console mini, donc voilà, PC Engine mini. Est-ce qu'on a le prix? Non, pas de prix encore. Pas de prix encore. Ce sera à mon avis à peu près comme ouais, au début 70, puis au bout de 2 mois 10 euros quoi. Voilà, c'est ça. Sur le bon coin. Balek aussi. Ouais, un peu Balek, à part Castlevania, il n'y a pas grand chose non plus qui me fasse rêver perso. Console ouais. Bien quand même, avec des bons jeux dessus. Mais... Ouais, mais émulateur. Après, sur pareil, moi je préfère avoir la console. Voilà. Ouais. Bah, émulateur. Ouais. On a déjà fait le débat dans une trimestre. Mais à un moment, rétro gaming, est-ce que c'est pas un. Est-ce que c'est pas un luxe? Le mec, il remet en cause même l'idée de l'émission, tu sais. Non, mais au bout d'un moment. C'est pas de la merde le rétro gaming. Finalement, est-ce qu'on jouait à des vieux jeux alors qu'on peut jouer avec des consoles? Est-ce qu'on battrait pas? Hein, sans déconner, franchement. Est-ce que c'est pas un marché de niche et de luxe? Bon. Est-ce qu'on ferait pas mieux de jouer à nouveau Red Dead Redemption? Allez. Bon, allez, on y va. Est-ce que Fortnite, c'est pas l'avenir quand même? C'était sympa. Ah, ferme ta gueule. Ok, bon, Balek. Warcraft 3 Reforged disponible, annoncé en 2019. Eh, non, mais tu me casses tout. Appuie pas sur 2018. Le bouton. Touche pas au truc. De quoi? 2018, il annoncé était annoncé. Annoncé en 2018, ouais. Et en bêta en 2019, il est sorti fin janvier. Donc c'est une refonte totale de Warcraft 3 original. Je vais éternuer. On en parle quand même. Ouais, ça vaut 30 balles en standard, 40 balles en luxe avec des bonus, et ça s'ajoute donc aux rééditions sur GOG de Warcraft 1 et 2 il y a à peu près un an, voilà. Toi tu cherches le sel et le sang, on est d'accord? Moi je m'en bats les couilles de Warcraft, donc... Ouais, Balek aussi. Je crois que Jay il aime bien. Jay il est comme un ouf. Bah après moi de toute façon moi je suis client là-dessus. Moi j'ai à peine ils l'ont annoncé à la BlizzCon 2018 que je l'avais acheté en collector quoi. Donc t'as acheté Warcraft Refund. Refund. Ouais non mais je vais même pas demander un refund parce que après je m'attendais pas à grand chose. Et je suis quand même déçu. Et non mais même pas franchement, c'est juste que j'ai refait la campagne, j'ai kiffé et tout, puis ça me suffit en fait. Donc, je vais donner mon avis. Je cracherai pas sur le truc, y a pas besoin. Il s'est déjà fait assez de mauvaises pubs lui-même. Ah, je vais donner mon avis qui va certainement surprendre tout le monde. Déjà, un, je ne l'ai pas acheté. Deux, oui. Ah, je suis surpris. J'y ai joué. Et je le trouve bien. Ah, mais je suis surpris. Honnêtement, en fait, c'est pas une tare. Ce que tu veux, si tu veux, il y a eu effectivement beaucoup de. Je sais même pas, il y a même pas de mots pour ça, de bashing, de tout ce que tu veux pour. Ouais. Pour taper sur le jeu, parce qu'il a pas respecté des promesses qui ont été faites à la BlizzCon, et les promesses n'ont pas été respectées pour des choses qui, de mon point de vue, sont légitimes. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'histoires sur les cinématiques qui n'étaient pas en plan rapproché, parce que ça faisait. Ça s'éloignait de l'expérience de jeu d'il y a 20 ans. Donc ils se sont dit, on va rétro-pédaler et on va mettre les mêmes plans qu'il y avait il y a 20 ans pour que le nouveau joueur qui n'a jamais joué à Warcraft 3 puisse vivre plus ou moins la même expérience que le joueur qui a joué à Warcraft à l'époque. Donc les gens qui n'ont jamais joué à Warcraft 3, quand ils jouent à Warcraft 3 Reforged, en fait ils ont un jeu techniquement plus joli. Bon, après, il y avait des bugs, il y avait des crash serveurs, il y avait enfin Day One, quoi. Je vais pas rentrer dans les détails chez Blizzard, mais ouais. Day One, ça a jamais été très très bon. Même si sur Warcraft, sur World of Warcraft, ils ont fait des efforts sur les Day One, mais il y a des choses techniques qui font qu'effectivement les gens ils avaient raison de râler, mais tous les trucs cosmétiques où les gens ils ont râlé, je trouve que c'était du sel sur le sel, quoi. C'est vraiment pour rajouter des trucs qui n'étaient pas forcément pertinents. Moi je pense que c'est ce que j'appelle un jeu générationnel. Autrement dit, ça permet aux jeunes générations de jouer à un jeu un peu lifté, comme StarCraft Remastered. Et ça a pour moi un intérêt. Alors moi, j'ai fini Warcraft 3 en long, en large, en travers, Frozen Throne, les maps perso, l'ancêtre de Dota, tout ça. J'ai kiffé à fond, mais aujourd'hui, je me revois pas faire un jeu que j'ai déjà fait il y a 20 ans et remettre 40 balles pour faire un jeu il y a 20 ans. C'est peut-être pas la cible. Mais c'est justifié dans le sens où les nouvelles générations vont pouvoir faire quelque chose. Ouais. Je sais pas ce que t'en penses, Jay. Attends, parce que Jay... Jay est décédé. Ouais, il est parti chez le coiffeur. Non, Jay, il est en train d'écouter. Non, j'étais en train de regarder un truc. Et j'y vais, ça va. Ouais, ok. Ça a l'air d'aller. Ok, c'est cool. Et donc on m'a interpellé, oui, quoi. Oui, mais j'ai dit, bah, tu sais pas ce que j'ai dit. En gros, c'est la cible, c'est peut-être pas des gens qui veulent rejouer à ce jeu. Je pense mais... pas que ce soit la cible, en vrai. Soit c'est des gens qui y ont en fait, toujours la cible, joué. C'est aussi les mecs qui vont vouloir jouer en compète, parce qu'ils ont relancé un circuit compète. Okay, effectivement, il y avait un peu des, comme il a dit à côté tout à l'heure, il y avait des soucis sur les custom games et le enfin, il n'y avait pas de ladder et tout ça encore, ok, soit. Mais c'est sinon, annoncé, ouais, le jeu en lui-même. Ouais, voilà, mais. Et le truc, c'est que forcément, Metacritic, qui est un indicateur. Indicateur. Assez pourri. Non, il est tombé à 0,4. Meta, c'est mélangé entre les gens et la presse. Hein. Donc c'est les gens qui l'ont plus. Oui, mais je pense que le jeu s'est fait flinguer parce qu'il a il a pas tenu des promesses qui ont été faites à la BlizzCon et puis c'est tout. Oui. Donc ils attendaient quelque chose et ils étaient très déçus. Ouais, peut-être que les nouveaux joueurs. Et puis joueurs en ce moment effectivement contents. le Blizzard bashing c'est entre guillemets facile parce qu'ils prennent des décisions qui sont très discutables clairement. Donc dès qu'ils en reprennent une autre, les gens s'engouffrent dedans et puis go quoi. Donc Ouais, enfin voilà. Oh là. du coup, on va partir sur un semi-balèque. Psarlek. Un Psarlek. Atari qui annonce des hôtels sur le thème des jeux vidéo. Le célèbre éditeur vient d'annoncer un partenariat avec un constructeur d'hôtels pour construire des complexes au culte de la marque. Et je dis bien au culte de la marque. Au culte ? Ah bah, c'est des hôtels chelous quand même. Du coup. Bah oui, ouais, c'est des hôtels tout noirs. Le premier chantier. C'est des Sofitel. ouais, on n'est pas loin. Ça ressemble plutôt à la Trump Tower, aux hôtels Trump, tu vois. Premier chantier prévu au milieu de l'année à Phoenix dans l'Arizona, avant des hôtels évidemment à Las Vegas, à côté de la Trump Tower et tout ça. À Chicago, Seattle, San Francisco ou encore Denver, qui, comme chacun sait, est le dernier dinosaure. Hein. On ne le dit pas assez. voilà. Non, mais elle fallait la faire. Ah, mais elle est très bien. Elle est bien. Si tu l'avais pas fait, on te l'aurait reproché. On y trouvera, je cite, des expériences immersives avec des casques verts. Ça va, putain. Casques verts ? Ouais, non, des casques verts. Ouais. C'est du Power Rangers, non, mais comme ça. Tu connais les casques bleus ? Bah, ouais, c'est des casques verts. Je vois vraiment le truc. Mec de l'armée. Quoi. Un peu à la. C'est dans Demolition Man où ils font l'amour avec un casque vert. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors j'imagine vraiment des love hotels avec des casques verts, tu vois, c'est vraiment un truc bon. Il y aura des arènes e-sport dedans et il y aura beaucoup de rétro gaming avec des licences phares de la marque qui seront genre dans des bandes d'arcade intégrées dans les chambres. Ouais, la 2600 quoi. Voilà, c'est genre E.T. Globalement, ça ressemble à ça, mais vous voyez comme ça en noir et blanc. Wow. Ah, c'est occulte, ouais, en effet. C'est ouais. Occulte. Du coup, tu le montres pas à la non. caméra, on est d'accord. Regardez, hein. Vous ne le voyez pas. Voilà. Balek. Balek, mais si un jour j'ai l'occasion d'y aller, j'irai. Ouais, faut voir les prix. Ouais, mais j'irai juste pour visiter. Parce que comme tu c'est vois, un loisir de luxe, peut-être. Tu peux aller boire un coup, quoi. Ouais, au pire. Ouais. Non, Balek. Non, Balek. Déjà, on est pauvre et ensuite Balek. Voilà. Jay ? Ouais. Oui, je pense que j'irai jamais de ma vie là-dedans, donc oui, Balek Royal. Après, s'ils arrivent à se faire des sous, tant mieux pour eux. On est d'accord que 90% des sujets qui ont été annoncés, il a dit Balek, là. Non, mais Jay dit toujours Balek, en fait. Ah, c'est très rare quand j'arrive à. Ah, c'est fou. Regarde, tu vas voir. Les Sims fêtent leurs 20 ans. Balek. Ah bah la Balek d'avance. Voilà. Et moi j'ai envie de leur dire Commons Nada Patamu, ce qui veut dire joyeux anniversaire en Sims. Commons Nada Patamu. Vous êtes fort. Et du coup, il y aura un cinquième opus sur les nouvelles consoles l'année prochaine. On s'en fout. Le retour de Space Channel. Ah ouais, moi j'ai pas dit Psartek ou Balek. Ah oh, Balek. Non, Psartek. Mais oh, allez. Oh, y a, non, j'étais quand même Balek. Toi, t'es dans, toi, t'es dans la team. T'es le mec en Balek. Balek. Mais Balek. Balek. Balek. La team retirer les l'échelle de la piscine. Bah comme tout le monde pour ouais. faire pour faire un cimetière après. Le retour avec le code de qui déplace les objets. Bref. De Space Channel 5 Move Object On. Vous vous souvenez du jeu Dreamcast de Sega évidemment, Space Channel 5? Non, pas du tout. Pas du tout. Non, sérieux? Pas du tout. Ah, non. Je te jure, non. Alors, c'était un jeu, non, c'était un des premiers jeux de rythme où il y avait une espèce. Je crois qu'elle s'appelait Oulala. C'était une espèce de martienne avec une petite jupette qui vous apprenait Oulala. À faire des. C'était un jeu de rythme appuyé sur. Enfin, j'allais dire carré, rond, triangle. Genre avant Parapapa The Rapper. Je crois que ça devait être. Ouais, c'était peut-être en même temps que Parapapa. Ah, ça me dit rien. Et bah, du coup, un nouvel opus sortira. Je ne sais plus quand, bientôt. Ah non, c'était sur Dreamcast, donc c'est forcément après Parapapa The Rapper. Oui. C'est 99. Parapa The Rapper, pardon. Ça s'appellera Space Channel 5 VR Kinda Funky News Flash sur PS4 la semaine prochaine. Voilà. C'est un Street Fighter ou c'est un jeu de... Ah non, mais du coup, tout le monde balèque, vu que personne ne connaît. Ah ouais, non, balèque, voilà. Sérieux, j'ai l'impression. Ah bah là, ouais, complet. Après, ouais, pour découvrir, pourquoi pas. Ouais. Bah c'est pas mal. Marrant les jeux. Oui, c'est pas mal. C'est pas mal. Il y avait dans le premier épisode, il y avait Michael Jackson qui dansait avec vous. Voilà. Ah, il pourra plus là. Voilà. Bah si, il pourra. Hein. Techniquement, oui. Oui. Humainement, non. C'est la magie du cinéma. Est-ce qu'il pouvait déjà on le peut faire ça humainement déjà de l'époque de son vivant. Un petit mot juste pour dire que la PlayStation SNES, on en avait parlé à l'émission dernière, elle est aux enchères. On veut le prix et ça devait 300, être vendu. 350 000 là, le dernier. $350 000 ouais. Et ce sera fini le 27 février, donc ça avance difficilement. Ça j'ai regardé le compteur hier, c'était bloqué à 350 000. Ouais, hein. Ça fait longtemps. Ah, c'est le but des enchères, ça part en sucette à la fin. Ouais. Donc là, 350 000, on est déjà. C'est rien du tout, c'est déjà dire sur un tiers de million. Et je l'avais dit déjà la fois, à mon avis on va s'approcher de Jack million, avait prévu un million hein. Moi, pour moi c'était plus du dit, million hein. Ouais. plus que le million ouais, moi je pense que le million on l'aura hein. Ou pas loin. Bon Balek quand même, mais c'était juste comme ça pour en parler. Sonic au cinéma, alors je cite Le Parisien dans la chronique. Une catastrophe industrielle. Alors entre autres, tout ce qu'on avait prévu, c'est mal fait parce qu'ils ont dû tout refaire en 3-4 mois suite au mauvais design avec le trash qu'il y avait eu dessus. Il n'y a pas de scénario, les vannes sont à plat, il y a Malik Bentala qui fait la voix de Sonic. Et il y a Jim Carrey qui se parodie lui-même et qui surjoue, qui fait du Jim Carrey mais des années 90. Sauf que bon, maintenant il a 60 ans donc c'est un peu. Voilà. Le JDG, on a eu une bonne. J'ai regardé l'émission du JDG. Alors je suis toujours plus ou moins son avis parce qu'il est quand même assez proche de mes goûts. Mais là, bon, il a l'air de. Il a dit qu'il a passé un bon moment. Voilà. Si je reprends ses mots, il a dit qu'il a passé un bon moment. Je suis fan de Sonic et justement, du coup, je suis un petit peu deg de voir un truc comme ça qui sort quoi. Après, déjà le design, même le nouveau design pour moi. Après faire un film sur Sonic, c'est tendu en même temps. Ils font bien un film sur Minecraft. Ouais. Bah, de base, il y a pas de background qui... donc on a volé les émeraudes, faut les retrouver sinon les animaux vont mourir. Ouais, on est pas loin du pitch du film. Voilà. Non, je crois pas que c'est pas le pitch du film, c'est le pitch du film c'est il doit repartir dans son monde ils sont attaqués dans leur monde à la con et sa mère adoptive lui donne des anneaux qui sont en fait des portails pour traverser les dimensions. Donc j'ai déjà envie de mourir pour traverser les planètes. Ouais, c'est un mélange entre Endgame et Sonic. Alors moi il y a Doctor Strange qui arrive qui fait comme ça et Sonic qui passe dedans. Je sais pas, moi je suis aussi un gros fan de Sonic. Et alors j'irai peut-être pas le voir au cinéma, mais j'essaierai de le voir. Je le regarderai aussi, mais. Et je ferai mon propre avis. Encore une fois, je suis un peu comme JV, le joueur du grenier, il m'a enlevé les mauvais a priori, entre guillemets. C'est ce qui va pas m'empêcher d'avoir ma propre opinion, de me forger ma propre idée. Mais il a déjà dit un truc qui est à double tranchant et qui fait forcément écho. C'est qu'il dit, enfin écho en moi, et qui dit que c'est un film qui est fait pour les enfants. Ouais. Et donc c'est à double tranchant, parce que c'est pas parce que c'est fait pour les enfants que ça doit forcément être de la merde. Mais ça peut aussi expliquer un certain nombre de choses. Après voilà, ça va être du gros fanservice. Et ouais, des trucs. Ouais. Apparemment ouais, c'est blindé de refs. Voilà, et ça, je le regarderai en essayant d'avoir le moins d'a priori possible. Je trouve le nouveau modèle quand même nettement moins dégueulasse que le modèle précédent. J'avais écrit d'ailleurs un petit truc sur mon Facebook à l'époque où il y a même des gens qui m'ont envoyé des messages personnels. Tu dis, oh, t'es trash quand même. Ah bah c'est ça d'être connu. Caca, pimi, tout ça. Non, c'est des potes quoi. Qui me connaissent et qui m'ont dit oh là, t'es allé loin quand même. Non mais après. Et non mais voilà. Enfin, je sais pas. À voir. J'ai pas d'avis dans le sens où je l'ai pas vu, mais j'ai pas d'a priori qui va me dire que je voudrais jamais le voir. Je le verrai. C'est ce genre de film où j'ai envie de dire, je le regarderai quand il sera sur Netflix dans 5 ans, comme d'hab. Je pense que je le reverrai avant. Non, quand même pas. Moi, j'irai même pas aller le chercher en streaming, toi. Si, moi si. Je prendrai même pas la peine d'aller le chercher. Bah, je ferai ça aussi. Si, moi j'irai le voir. En streaming, je pense que j'irai le chercher. C'est pas légal, faut pas le faire. Bon, Psarlek alors. Psarlek, ouais, Psarlek. Ouais. Psarlek, OJ. Non, alors même en streaming, je me ferai. Ok, donc on est toujours sur du Balek, on est sur du 100%. Et le film Warcraft alors. Non, c'est faux. C'est faux, j'étais Psartek sur FF7. Attends, j'en ai un dernier. Westland Remastered la semaine prochaine sur PC et Xbox One. Donc c'est le remaster de Brian Fargo de son jeu sorti en 88, Westland 3. C'est plus ou moins l'ancêtre de Fallout, un RPG post-apocalyptique pour ceux qui connaissent pas. Et donc c'est juste un remake, hein, donc ça coûtera 15 petits euros. Balek. Je sais pas ce que c'est, je connais pas, j'ai entendu parler. Très bon jeu, mais très bon jeu. Balek. Jay, je connais pas. Bah écoute, on va finir sur un Balek. Hein. On a un 100%. Je change pas l'équipe qui gagne. Allez. Non, on n'est pas à 100. Oh. Si moi j'aime les jeux mobiles, toi tu dis tout le temps Balek. C'est vrai. Je vais terminer par une petite. Je suis un peu comme ça en vrai. Hein. Ouais, non, c'est vrai. C'est pour ça qu'on l'invite plus. Je vais terminer sur une petite auto-promo. Quoi de neuf sur Game Trip ce mois-ci? Puisque voilà, peut-être que certains d'entre vous peut-être ne regardent que cette émission. J'ai téléchargé Daggerfall. Ah, sur la nouvelle, voilà. J'avais pas en parlé, tiens. Bah voilà. On a une nouvelle rubrique Downloads, voilà, ça fait 15 ans qu'on nous l'avait demandé, et puis on a décidé d'ouvrir une rubrique Downloads. Alors dessus, il n'y a pas des patchs et toutes ces conneries, mais il y a des jeux entiers, 100% gratuits. Des jeux en entier. Voilà. Dont Daggerfall. Et qui sont gratuits, voilà, qui sont gratuits et totalement Lego, évidemment. Et du coup, il y a aussi des émulateurs, évidemment, pour jouer à toutes les consoles que vous voulez. Qu'est-ce qu'on a diffusé aussi? On a sorti donc la vidéo Half-Life, on vous l'a dit, vidéo test. Le test de Gremlins 2 sur Game Boy. Le test de Devil Dice sur PlayStation, un mélange de jeux de dés et de Pikmin. Et puis voilà. Et puis quoi d'autre? Bah le clash toujours qui continue. Le clash des consoles. On en est où là? Le truc 2020. Le clash des consoles. Alors on est sur les 8 derniers, donc phase de poule, qui sont terminées. Il y en a 8 qui sont qualifiées. On a tiré au sort les 4 manches de la finale la semaine dernière. Donc vous pouvez toujours voter en ce moment sur gametree.net/clash.html. C'est Master System contre PlayStation, Mega Drive contre NES, Saturn contre Dreamcast et Game & Watch contre SNES. Bon. Alors, je vais spoiler un petit peu parce j'ai les résultats. Sous des les... Infos. Ah, parce que je connais les résultats. Ah. Pour l'instant, entre Master System et PlayStation, il y a 100% de vote pour PlayStation. Pour PlayStation. Oh, incroyable. Entre Mega Drive et NES, il y a 100% de vote pour Mega Drive. Évidemment. Entre Game & Watch et SNES, il y a 100% de vote pour SNES. Pour SNES. Et entre Saturn et Dreamcast. Oh non, c'est Dreamcast, il y a tout pile mais. 50-50. Oh, votez Dreamcast, démerdez-vous. J'ai déjà voté. Moi aussi. Et t'as voté Master System? Non, Dreamcast. T'as voté quoi? Ah, c'était quoi l'autre? Dreamcast, Saturn. J'ai voté Saturn. Par contre, c'était un peu salaud de mettre deux Sega. Hein. Ah bah, c'était du tirage au sort, mais c'est un peu salaud. Mais voilà, bon, là, ça tourne. Encore une petite semaine de vote, vous pouvez y aller donc sur Game Trip. 4 qualifiés à l'issue de ces me reste ça reste cohérent ça reste logique on va dire c'est presque j'allais dire presque toutes les générations qui vont être représentées un peu mais ça reste un peu logique surtout enfin moi ce qui m'a fait choisir ça c'est je pense que comme tous les autres hein, c'est la bibliothèque vidéoludique qui est liée à ces consoles là j'ai voté Saturn bien sûr. T'as voté Saturn toi? Bah toi, tu joues à des jeux de merde. Je joue à Saturn. Mais toi, tu joues sur mobile, tu n'as pas ton mode. Ah j'ai pas eu la Saturn ni la Dreamcast, mais j'ai quand même voté Dreamcast parce que j'ai toujours voulu jouer à House of the Dead quand j'étais petit. Ouais. Elle était sur Saturn aussi. Il y a je tellement crois. De jeux moi, que j'ai fait sur Dreamcast. Mais la Dreamcast me faisait rêver. Et ben voilà, du coup, me fait toujours rêver moi. Vous pouvez voter. J'ai comme la nouvelle semaine commence de vote, et ben tous les votes ont été. Enfin, toutes les IP ont été flush, donc du coup, vous pouvez revoter tous. Non. Si, vous avez le droit d'aller voter. Allez et un dernier mot sur Game Trip, on a aussi fait, c'est la première fois qu'on le fait, c'est la deuxième fois qu'on le fait en 14 ans de site. On a rebougé notre ligne éditoriale, donc désormais, on traite jusqu'à 2002. Si vous voulez savoir pourquoi on a bougé cette ligne éditoriale de 2000 à 2002, eh bien, on a fait un gros dossier qui est en ligne, vous pouvez aller le voir voilà, pour comprendre pourquoi. Et pour parler aussi, je vous ai fait aussi un petit. J'ai fait ma vision personnelle de la génération des consoles, autre que la génération, enfin de la, du listing des générations des consoles que tout le monde connaît. Il y en a un différent. Moi, j'en ai un différent et c'est comme ça que je vois un peu plus l'histoire des consoles. Donc voilà, vous pouvez y aller si vous voulez. Attendez, Jay, Psartek ou Balek de ces infos? Mais carrément Psartek. Oh. Enfin, tu as bougé ta ligne éditoriale. C'est bien parce que c'est la Saint-Valentin. Voilà, quoi. Voilà, c'est la Saint-Valentin. Merci. Je savais que je pouvais faire confiance pour cette dernière news. Du coup, maintenant, on va passer à la chronique True Story de Yako, qui va nous parler ce mois-ci de la Saint-Valentin. De Saint-Valentin et de Viagra. True Story, bro. True Story. Avec Yako. Bonjour Yako. Bonjour JV. Ça va? Ça va et toi ça va? Oui ça va. Je vais poser ça comme pose ça. Pose ton micro, ça fait du bruit, pas de problème. Voilà. Ah. On s'entend bien. Ah la ASMR. Ah c'est parti pour la ASMR. Comme d'habitude on va parler plus d'une expérience de jeu plus que du jeu en lui-même. Et aujourd'hui en cette émission spéciale Saint-Valentin, je vais vous parler d'un jeu extrêmement connu. À ce niveau on parle même de classique. Un jeu qui peut paraître être un choix étrange pour la Saint-Valentin, mais qui pourtant est rattaché à une énième histoire de ma vie perso, Fortnite. De ma vraie vie, véritable IRL, comme on dit dans le jargon, mais surtout qui, dans son scénario même, amène quelques interrogations sur la vie amoureuse d'un monument du gaming. Fortnite. Mario. Ah, j'étais pas loin. Cette histoire se passe en février 97, lors d'une sortie scolaire à Paris, juste avant les vacances de février. À l'époque, j'étais encore romantique et rêveur. Et aujourd'hui, je Alors, ne suis plus que... T'avais quel âge en 97, du coup? Bah, ça y vient, t'inquiète. Aujourd'hui, je ne suis plus que... Et... Et aujourd'hui, je ne suis plus que... Et il est là, lui, dans les autres émissions ou pas? Il sait pas, ça? Il n'a pas l'habitude encore? Mais c'est... À chaque chronique, vanne. Il y a trois gimmicks qui reviennent, je les frève. Donc là, il y a... Voilà. Et je ne suis plus que « et ». Voilà. Je devais être en 5e ou 4e et j'étais amoureux d'une de mes camarades de classe dont je tairai le nom et qui s'appelait Magali. Comme j'étais un provincial et comme nous le sommes tous ici présents, et je dis bien « présents », bah, même celui qui n'est pas présent, encore aujourd'hui, aller à Paris, c'est toute une expédition. Ah, Paris, la ville des lumières, la ville des amoureux, la plus belle ville du monde, la ville où tu chopes un cancer des yeux à cause de la pollution et où ça sent la pisse à chaque coin de rue. Oui. Et c'est à cause de ce genre de commentaires que les Parisiens, que pour les Parisiens provinciaux, ça veut dire pouilleux. Comme dans toutes les sorties scolaires qui se respectent, il y avait un bus avec une trentaine de gosses dedans, des parents d'élèves accompagnateurs et bien sûr des profs. Et parmi ces gosses, ben, il y avait moi. Petite parenthèse pour les parents accompagnateurs, franchement. Qu'est-ce qui vous passe par la tête? C'est quoi la drogue que vous prenez? Je veux dire, merde, déjà un ado chez toi à la maison, c'est chaud à pas vouloir le faire sécher dans la cave. Et au-delà du fait que de le faire sécher dans la cave, c'est illégal, vu que l'ado de la maison, c'est souvent ta progéniture, t'as aussi quelques scrupules à passer à l'acte. Mais là, bordel, c'est pas les tiens de môme. Tu les connais pas, tu leur dois rien. Vous avez une maladie mentale ou quoi? C'est pour quoi faire? Non. Parce que, en plus, pendant les parties scolaires, t'es souvent en terrain inconnu. Du coup, entre l'ado rebelle, l'émo gothique, celui qui vomit parce qu'il est malade dans le bus, le petit rigolo qui teste ta patience en tapant dans le dos avec ses genoux à travers le siège et qui fait genre c'est pas lui, celui qui écoute de la musique de merde sur son Walkman avec enceinte, aujourd'hui on a les mêmes mais ils ont des iPhones, et le champion du monde, celui qui précisément parce que t'es pas sa mère ni sa prof, pense qu'il a le droit de te traiter comme de la merde... À base de vas-y, t'as rien à me dire, t'es même pas payé pour être là, t'es qu'une grosse victime au chômage et tu te fais bolosser, t'as vu. C'est obligé que t'as des envies de meurtre. Pas étonnant que, après, tu cherches à humilier ton propre enfant pour regagner un petit peu d'estime de soi en lui parlant comme s'il avait 5 ans. Ça va, mon chéri? T'as pensé à prendre ton doudou? Oui, je sais que t'as 13 ans, mais je sais aussi que quand t'es un petit peu stressé, tu dors avec. Et puis tu sais, y a pas de honte à avoir. Je suis sûr que tes copains, ils vont pareil. Mais bon, ça fait 3 minutes que ma chronique a commencé et j'ai toujours pas parlé du jeu. Ça aussi, c'est un gimmick, Jay, au cas où t'es pas au courant. Ouais, ça va. Hein. Donc, qui dit bus dans les années 90 dit... Game Boy. Perso, j'avais réussi à convaincre ma grand-mère... Ouais, c'était des ouais, bah. Donc, perso, j'avais réussi à convaincre ma grand-mère de m'offrir le Game Boy Pocket pour le Noël passé. Et oui, je sais, je dis le. Mais franchement, le mec est un puriste. Mais franchement, je n'ai jamais dit là de ma vie. Même quand j'étais gosse, je ne disais pas là. Franchement, je pense que les gens. Moi le premier. Je pense que les gens qui disent là sont des demeurés. Vous dites le ou là, vous. Toi, tu dis le ou là. Je dis là. Et toi, tu dis quoi, toi ? Le. Le. Vous dites quoi ? Le quoi ? Je dis le Game Boy, moi. Ah non, mais non, mais non, mais moi, je dis pas. Je parle pas du Game Boy là. Ah non, moi, je parle de Noël. Je dis pas la Noël. Je dis, c'est débile. On est d'accord. Noël, c'est masculin. On dit, je vous souhaite un joyeux Noël. On est d'accord. Ah bah oui. Donc, j'ai reçu un Game Boy pour la Noël. C'est n'importe quoi. Tout à fait. Bon, par contre, pour le Game Boy, j'ai toujours dit la Game Boy. Mais depuis que je sais que c'est masculin, preuve à l'appui avec l'inscription le Game Boy dans la notice de la machine, je m'efforce de dire le de la façon la moins naturelle du monde. Mais que voulez-vous, c'est plus fort que moi. Un peu comme ma bite. Exactement. Je tenais dans mes mains la console de Nintendo, dans cette machine, la cartouche de Music Maestro. Super Mario Land, édité et développé par Nintendo, sorti chez nous en 90 sur Game Boy. Petite info que vous connaissez tous, le jeu a été produit non pas par Shigeru Miyamoto, comme la plupart des autres jeux Mario, mais par Gunpei Yokoi. Papa des Game & Watch et évidemment de Pokémon, de la Game Boy. Et enfin, il a contribué à Pokémon, oui. Mais il a pas fait que ça. Enfin, il n'est pas tout seul dessus. Il y a au moins 4 heures de trajet et il est super tôt. Et là, je me dis, bon, si je termine le jeu avant d'arriver à Paris, ça veut dire que la chance sera de mon côté. Et une fois arrivé à Paris, je parlerai à Maggie. Attendez, je sais pas, Maggie, je vais faire une page. Bah. Attendez, cette émission est toujours en direct. Toujours très, voilà, est toujours très préparée. Faut dire qu'on a eu qu'un mois pour préparer cette émission. Donc. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. Donc tu parles à Maggie. Et je. Tu veux parler à Maggie. Maggie, je... mais attendez, je crois que je me suis trompé pour de vrai. Il a commencé par la fin. Inverser des pages. Il est perdu, ça y est. Oh, il est du père. Oh, attendez. Pendant ce temps. Ah bah oui. À Cruz. Je me suis trompé de page. la loose donc. Et c'est précisément ce détail qui m'a fait choisir, donc le fait que Gunpei Yokoi a participé à la production du jeu. Disais. Et c'est précisément ce détail qui m'a fait choisir Super Mario Land pour la Saint-Valentin. Je m'explique. On est tous d'accord pour dire que la princesse Peach est la meuf de Mario. Même si ça n'a jamais été officiellement officiel, on peut dire clairement que Mario sauve Peach parce qu'on sait qu'à la fin, après, ben, il va la pécho. Devrait la pécho. On est, voilà. Il l'a pécho. Sauf que dans Super Mario Land, Mario sauve la princesse Daisy. C'est vrai. Qui est la femme de Donald. Eh oui, mon coquinou, le Mario dans les années 90, il était pas tout propre, il s'en passait des choses dans son calcif. Là, Mario. Et je suis pas certain que la Peach, elle a eu vent des escapades du petit plombier à Sarasaland. Eh oui, parce que Super Mario Land ne se passe pas au royaume champignon, mais à Sarasaland. Mmh. Mario est arrivé dans ce pays chelou grâce à une soucoupe volante, si, je vous jure, un vaisseau spatial étant en mode légende d'armes à Saint-Tropez, genre Cruchot, les extraterrestres qui rouillent, tout ça, je vous jure qu'elle ressemble à ça, hein, la soucoupe volante. Pour preuve, la dite soucoupe volante est visible dès le début du monde de 2. Jetez un œil sur Internet, vous verrez. Ah. Bref, dans Super Mario Land, on est à Sarasaland pour sauver Daisy des griffes du terrible, non pas Bowser, mais Tatanga, un extraterrestre, voilà dans les grandes lignes. Donc, merci. Je suis dans le bus avec mon Game Boy, voilà. Ah, je vous ai dit que c'était pas naturel. Ah, bah voilà. Je suis donc dans... C'était sûr, en fait. Donc, je suis dans le bus avec mon Game Boy, et je vous emmerde. Avec ton Magali. Mon jeu Mario Land et un stock de piles qui m'assurera de pouvoir jouer longtemps. Et des mouchoirs. Ce jour-là, je m'étais dit que peut-être éventuellement, vu qu'on serait à Paris, dans un autre environnement et dans un autre contexte que le collège, je trouverais le courage de parler à Maggie. Oui, parce que Magali, bah, je l'appelais Maggie, parce que Maggie, bah, c'était un petit peu plus cool. Ça faisait référence à un personnage d'une série à la mode dans les années 90. Et vous voyez tous de quoi je parle, je suppose. Je parle de... Des Simpsons, effectivement, je parle des Simpsons. Ah bah, moi j'avais la vieille Maggie, du coup. Et voilà, et non pas de la série de merde avec Rosie Vart, Jean-Marc Thibault et Marthe Villalonga. Écoutez-moi cette magnifique musique. Ou bien Maggie Larme. On est sous le charme. Ça sent le soleil. Ah, ça sent les boulettes. Ouais, bon, ça connaît presque par cœur et je vous emmerde. Bon, revenons à Sarasaland. Tout le monde est dans le bus. On vient de prendre la route. C'est déjà bien le bordel alors qu'on n'est même pas sur l'autoroute. Ah, du coup je vais galérer avec mes pages. Voilà, maintenant il sait toujours pas où il en est. Attention, on est. Mystère. On est sur un mystère de niveau 2. Ouais, ouais, c'est un blanc. C'est un blanc. Est-ce que vous savez comment on fait la recette du tagine? Alors, vous prenez donc de la viande. De la viande. Vous prenez des c'est bon, je l'ai. Pardon. Pruneaux, éventuellement. Il y a au moins 4 heures de trajet. Il était super tôt. Et je me dis, bon, si je termine le jeu avant d'arriver à Paris, ça veut dire que la chance sera de mon côté. Et j'entends une fois arrivé à Paris, j'irai parler à Maggie. Je mets mes écouteurs, j'allume la console. Tout le monde l'a, hein, ce petit bruit, j'ai même pas besoin de le faire. Tout le monde l'a dans sa tête, voilà. Je démarre le jeu. Merci Maestro. Lequel? Toujours le Mario Land. Oui, bien sûr, bah, on est toujours sur Mario Land. Au premier abord, je reconnais facilement les codes visuels des jeux Mario. Les briques, les pièces, les tuyaux, les Goombas, les champignons qui font grandir, les fleurs, les étoiles. Tout est très familier. Mais je remarque qu'en décor de fond, on a des palmiers et des pyramides. Tiens, c'est marrant, c'est l'Égypte. Le premier niveau est assez facile et arrivé à la fin, première petite surprise, pas de drapeau comme dans Mario 1 sur NES et pas de case bonus non plus comme dans Mario 3. Non, à la place deux portes, une facile d'accès et l'autre un peu plus dure en hauteur. Instinctivement, j'essaye d'aller dans celle en haut, un peu plus dure. Et là, je découvre un mini-jeu bonus avec la possibilité de gagner un cœur. Un cœur ! C'est un signe ! Dans Mario Land, les vies sont représentées par des cœurs, et non par des champignons verts. C'est un signe! C'est le signe de l'amour! Bon, en vrai, c'est assez logique. Vu que la machine est en écran monochrome, il aurait été difficile de faire des champignons de couleurs différentes. Du coup, un cœur est un choix légitime, et d'ailleurs, dans Mario Land 2, ce sont aussi des cœurs. Mais dans mon esprit de jeune ado naïf, c'était un signe. C'est un signe. Comme les grands canards. Bon, le deuxième niveau est un peu plus corsé, et j'arrive à mon premier game over. Je repars du départ, déterminé à pécho Daisy, mais c'était sans compter sur Clovis, Cognac, le mec assis juste à côté de moi, qui lui est l'un des plus grands super-héros de cette ère, qui était mon enfance. Et nous avons tous un Clovis dans notre vie. Je veux bien évidemment parler de ce super-héros qui s'appelle... Pepsi Man. Ouais, non, je déconne. Je l'ai plus. Je l'ai écrit, mais il l'a vu sur ma feuille. Je veux bien évidemment parler de Super Casse-Couille. Super Casse-Couille. Putain, ce qu'il était chiant. J'ai chaud, j'ai froid, je me sens mal dans le bus, je vais vomir. Je veux pas qu'on change de place. Voilà. Tu veux pas qu'on change de place, comme ça je peux regarder par la fenêtre. Et tu veux pas qu'on rechange de place, comme ça je suis près de l'allée, comme ça si je peux aller voir la prof pour demander des médicaments pour calmer ma gerbe. Et tu veux pas qu'on échange ton goûter avec le mien, parce que j'aime pas trop les pépites de chocolat blanc. Et tu veux pas fermer ta gueule et me laisser finir mon jeu. Ma vie amoureuse en dépend, bordel. Regalère sur les pages. Ah. Alors, donc le tagine. On venait tout juste, oui. Non, je crois que c'est bon là. Vous êtes sur 300 grammes à peu près d'abricots. Après, vous pouvez mettre éventuellement des légumes coupés en morceaux grossiers. Oui, c'est vrai, grossiers. D'ailleurs, vous pouvez les insulter quand vous les mettez dans le plat. Dans le plat tagine, d'ailleurs, qui porte le nom de la recette plat spécial en terre cuite. Exactement. On venait, pardon, on venait tout juste cette émission est professionnelle, hein. À la première ère de repos que j'avais pas encore passé le monde sous l'eau. Qui, cela dit, est une petite phase où il y a une petite phase en shoot'em up dans un sous-marin et qui m'a fait grave kiffer par son côté innovant et surtout inattendu dans un jeu Mario. Nous étions donc à mi-parcours pour aller à Paris et sans le savoir, j'étais moi-même aussi à mi-parcours pour finir ce jeu. Ainsi, j'enchaînais le monde de l'Égypte, le monde de l'océan, puis le monde 3, le monde de l'île de Pâques. Avec cet affreux passage où il faut sauter sur des pierres qui roulent pour amasser de la mousse. Non, j'ai de la merde. Il faut sauter sur des pierres pour ne pas tomber sur des pics. Puis enfin, le niveau de la Chine où des Chinois karatéka immortels vous attaquent. Parce que, en fait, quand tu sautes dessus, ils ne meurent pas. Ils sont assommés et après, ils se réveillent et ils te butent, ces enfoirés. Bâtards. C'est chinois, quoi. Mais c'est bien sûr. Mais c'est bien, c'était sûr, en fait. Et tout ça, toujours en compagnie de Super Casse-Couille qui s'était mis à me regarder jouer et à commenter toutes mes actions. Attention, il y a un monstre! Vas-y, saute! Fais gaffe au canon! Essaye de rentrer dans ce tuyau! Et putain, tu voudrais pas mourir, s'il te plaît, franchement? Et là, j'arrive à une nouvelle phase de shoot'em up à bord d'un avion cette fois. La chance est avec moi. Super Casse-Couille s'est endormi. J'arrive enfin au bout du niveau, il me reste une seule vie au compteur, et là je tombe sur un boss nuage qui te balance des oiseaux. Normal. Il est assez dur, je transpire un peu, mais je le bats. Et surprise, tout de suite après ce boss, arrive Tatanga dans son vaisseau. Oui, c'est la fin. Je vais finir le jeu avant d'arriver à Paris. Je vais pouvoir tenter ma chance avec Maggie. Mais là, Tatanga me tue. et le compteur passe à 0 vie. Mais dans Mario Land, 0, c'est la vraie dernière vie. Ah. Ouais. Je reprends le niveau avec l'avion, la boule au ventre. Vais-je y arriver ? À ce moment, le microphone du bus est dans les mains du prof. Juju, je vais avoir besoin de tes talents. Merci Juju. Ouais. Elle fait une annonce. On est presque arrivé. Il faut qu'on range nos Walkman, nos consoles et autres jeux et livres dans nos sacs et se prépare à sortir. Est-ce que tu peux nous mettre la musique de fin ? Bien sûr, la musique de fin. Ah. Bordel, j'ai pas fini le jeu. Je stresse. Le stress est à son maximum. J'essaye de m'écraser dans mon siège afin de me faire le plus discret possible pour finir le jeu. J'arrive au boss nuage. Je le bute. J'arrive sur Tatanga. Je suis full max concentré. J'esquive les triples projectiles qu'il m'envoie avec régularité et précision. Je sens que je peux le faire. Je sens que j'y suis presque. Galère de page. C'est le moment critique. Alors du coup... Autour de moi, mes derniers camarades qui sortent du bus, et là, oui, oui, Tatanga meurt. Je l'ai fait. Je l'ai eu. Écoutez-moi cette musique, cette merveilleuse musique de fin de jeu. Je suis le dernier dans le bus. La maman accompagnatrice me demande de me dépêcher de sortir du bus. Qu'on n'attend plus que moi. Mais moi, à ce moment-là, je savoure la musique dans mes oreilles. Mais surtout, je savoure l'instant de ma victoire. Le destin me sera favorable. Je vais pouvoir aller voir Maggie. Et quoi ? Quoi ? Putain, mais c'est pas vrai ! Mais qu'est-ce que je vois pas là ? Qui c'est que je vois pas main dans la main avec Maggie ? Hein ? Super casse-couille ! Enfin, je veux dire Clovis ! Déception, frustration, désolation, le destin m'a trahi. Mario m'a trahi, comme il a trahi Peach en allant bécoter Daisy. Car oui, Mario est un salaud. Je suis dévasté. Mais à bien y réfléchir, la première petite copine de Mario, c'est pas Peach, c'est Pauline. Oui. Pauline. Eh oui, Pauline. Que Mario le charpentier oui. va délivrer des joues de Donkey Kong. Oui. Mario, Pauline... Peach, Daisy et même Luigi. C'est compliqué l'amour. Car oui, par la suite, Daisy et Luigi finiront ensemble. Mais moi je suis seul avec mon jeu, à Paris, sur un parking, au milieu d'autres enfants joyeux. Il n'y a pas de morale à cette histoire, tout comme on ne sait pas ce qu'est devenue Pauline, la première meuf de Mario. C'est vrai. Et tiens, maintenant que j'y pense, Clovis, c'est à partir de ce prénom, à partir de la déformation de ce prénom, est devenu, qu'on a créé le prénom Louis. Et Louis, en italien, ça veut dire Luigi. Et Maggie, en vrai, ce n'est pas le diminutif de Magali, mais de Marguerite. Et Marguerite, en anglais, ça veut dire Daisy. Daisy ? Oh mon Dieu ! Le destin ne m'a pas trahi. C'était écrit. Le jeu avait tenté de me prévenir. Et je n'avais rien vu. Je ne sais pas ce que sont devenus Clovis et Magali. Ce que je sais en revanche, c'est que Mario Land m'a laissé un souvenir indélébile et que cette musique de fin a généré en moi et génère encore en moi une émotion particulière qui fait qu'à chaque fois que je l'écoute, j'ai ce sentiment d'exploit accompli. Merci, Gunpei Yokoi. Merci. Bravo. Bravo. Bravo. Voilà, voilà. Et du coup, on écoute un petit peu de Maggie aussi. Et voilà, tout en rouge. Attendez, j'ai les paroles. Oui, elle voit tout en rouge. C'est l'heure du typo. Maggie du soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme. Quand on oh là là, elle joue toute la gamme. Elle fait sa météo. Chez elle, il fait toujours beau. Ah bah oui, c'est normal, c'est sur les îles apparemment. N'empêche, hein. Vous êtes dans une émission qui est totalement amateur. Et vous êtes dans la seule qui vous passera du Maggie à une heure de grande écoute. C'est magnifique. C'est magnifique, on est comme ça sur Game Trip. C'est incroyable. Mario Land, alors pour faire le petit commentaire sur Mario Land, c'était vraiment pour moi une claque à l'époque. Hein. En carrément. Plus, moi j'ai joué en 97, donc le jeu c'était 7 ans après sa sortie. Moi j'avais pas la Game Boy avant. J'ai vraiment découvert ce jeu dans le bus quoi. Et cette musique de fin, c'était. On en parlait entre nous avant l'émission. Pour reprendre les mots de Juju, c'est une pépite. Hein. Ça a été ma musique de portable pendant plus d'une dizaine d'années. J'aime vraiment. Est-ce que c'est vraiment une référence Je ne sais pas. si, bien sûr. Si. Non, le fait que ce soit ma musique de portable. Non, sa musique de portable. Mais voilà, très, très bon jeu. Si vous l'avez pas fait, faites le jeu. Ça se torche en une demi-heure si vous mourrez pas, hein, un peu plus si vous découvrez le jeu. C'est vrai, ça, en plus, c'est... ça se retrouve facilement sur les émulateurs aussi, puisque les émulateurs sont. Sont disponibles sur GameTrip.net. On va passer tout de suite au débat, le gros débat de ce mois-ci, tout de suite après ce petit jingle de type sonorifère. GameTrip.net, la référence des jeux vidéo oldies. Suivez-nous également sur GameTrip.net. www.gametrip.net. GameTrip.net. Cette émission est parfaite, sauf le fait que mon casque grésille, vu que j'ai donné un coup de pied, je le rappelle, dans le compresseur juste avant l'émission. Et j'ai vraiment beaucoup de mal à me dire que j'ai perdu 250 balles. Désormais, l'émission s'articule autour d'un seul gros débat, vous le savez. Et vu que c'est la Saint-Valentin ce mois-ci, on va parler évidemment de pognon. Le prix des jeux. Le prix des vieux jeux, le prix du rétro gaming, le prix des jeux récents aussi. On va commencer par l'actu justement. Un article qui parle de ces jeux qui peuvent aujourd'hui coûter jusqu'à 1 million d'euros. Alors il y a évidemment le fameux E.T. Vous savez, celui qui avait été enterré dans le désert, le jeu de Atari 2600, qui a plus ou moins causé le crash du jeu vidéo. Ce qui n'est pas vraiment vrai, c'est mais ce n'est pas vrai, mais la légende, légende veut que c'est triste. Il en fait partie, mais, voilà. Mais c'est pas ça. Quoi. Les collectionneurs le vendent aujourd'hui à 1 500 $. Metroid Prime et Zelda Wind Waker, certains des meilleurs jeux GameCube, se sont retrouvés un jour dans un bundle de CD ultra rare qui coûte autant aussi dans les 1 500 € aujourd'hui, 1 500 $, pardon. Nintendo Campus Challenge en 91 avec des démos de Dr Mario, Pinbot et Super Mario Bros 3 étaient donnés dans des Spring Breaks aux États-Unis. Voilà, c'était des jeux uniques et ils étaient détruits après les fêtes et ça coûte 20 000 $ à la vente aujourd'hui. Le plus cher serait Tetris sur Mega Drive, une version boîte japonaise signée par Alexei Pajitnov, donc le fondateur, le créateur de Tetris, mise à prix pour 1 million de dollars, sauf que ça n'a pas trouvé preneur, comme quoi on peut pas trop abuser non plus, hein, faut pas déconner. Ouais, je crois qu'il y a que 5 ou 10 exemplaires maximum, oui, je crois. Oui, bien sûr, donc, mais après, c'est officiel. Pas parti. C'est pas parti. Donc ça peut peut-être aller. Ça partira aller, à moins, mais ça partira. Ça va partir à moins, mais bon, on peut s'accorder sur des jeux qui peuvent aller de 10 000 à 500 000 dollars peut-être. Alors, il n'y a pas que ça évidemment, il y a des jeux qui coûtent beaucoup moins cher. Mais avant de parler du prix des jeux, est-ce qu'aujourd'hui le prix d'une collection de rétro gaming, est-ce que c'est un loisir de luxe d'être rétro gamer? Bah, tout dépend ce que tu appelles être rétro gamer quoi. Il y a des gens qui veulent juste jouer, donc à partir de là tu prends l'émulation, ça te coûte pas grand chose. Il y a des gens qui veulent collectionner, auquel cas ils veulent avoir le maximum de jeux dans le meilleur état possible. Et il y a les gens, les puristes, qui veulent l'objet pour pouvoir jouer sur la console d'époque, avec le matos d'époque. Du coup, en fonction de ces trois catégories-là, ils vont mettre plus ou moins cher dans un jeu, je pense. En fait, les collections, tu parles de collectionneurs, toutes les collections, quand tu fais vraiment une vraie collection, ça peut coûter cher. C'est pareil dans le jeu vidéo. Ouais, tout à fait, ouais. Après, s'ils ont commencé assez tôt, tant mieux pour eux. Mmh. Et le mec qui veut commencer une collection aujourd'hui, il va devoir débourser, malheureusement. Mmh. Ouais, s'il veut commencer depuis les premières consoles, là, commence à... Carrément, ce sera pour lui, ce sera le luxe, quoi. Il va pouvoir s'offrir un bon jeu par mois, et puis c'est tout, quoi. Moi, je suis parfaitement d'accord avec les catégories que Juju a énoncées. J'ajouterai juste un truc sur le une des catégories, c'est que je peux me tromper, mais je pense que la catégorie de celui qui collectionne et qui veut retrouver l'expérience, la dernière catégorie que tu as citée, donc qui veut reproduire l'expérience à l'identique, c'est-à-dire l'objet avec la machine et tout, je pense qu'il ne peut pas y avoir de nouveaux collectionneurs, de nouvelles personnes sur cette catégorie-là. Je m'explique. Oui. Je pense que c'est que des gens qui ont déjà connu cette expérience qui vont vouloir reproduire. Un gosse de 18 ans aujourd'hui ou de 20 ans aujourd'hui, s'il le fait, c'est parce que soit son père il a fait quelque chose ou sa famille, mais ça lui viendra pas spontanément comme ça l'idée. Je dis pas que ça n'existe pas, mais je pense que c'est pas la majorité. Je pense qu'il y a ce côté Madeleine de Proust qui fait que à ce moment-là on peut fermer les yeux sur le tarif du truc. La curiosité t'empêchera pas de... Enfin, la curiosité va... est pas assez forte pour que tu te dises je vais lâcher 2000 balles. Tu vas le faire sur émulateur pour voir, pour dire ah j'y ai joué, je connais le truc. Alors moi j'ai vu des gamins qui s'intéressaient aux jeux vidéo d'aujourd'hui et qui, comme le cinéma, ont voulu savoir ce que c'était avant, et qui sont venus me voir en me disant « Non, moi, je veux racheter la console de l'époque pour pouvoir voir comment c'était à l'époque, et jouer avec la manette. » Du coup, mais c'est quoi la proportion de ces gamins-là? Voilà, exactement, c'est une proportion infime par rapport qui sommes plutôt dans la nostalgie. Oui, je dis pas qu'il n'y en a pas, au contraire, mais je pense que c'est ça aussi qui va, entre guillemets, faire justifier un prix. C'est à quel prix tu mettras l'émotion que va générer l'expérience de ce jeu-là. Le marché ne marche que comme ça. Je suis d'accord. Oui, là, ça s'explique par ce phénomène-là. Alors oui, après, comme tu dis, il y a des gosses. Mais là, je pense qu'il y a un petit peu de papa ou de maman derrière qui ont déjà présenté. Ils savent que ça existe, quoi. Pour qu'ils savent que ça existe, c'est comme toi, un vieux film ou une vieille musique. Il y a quelqu'un qui te l'a montré, quoi. Tu t'es pas tombé dessus spontanément. Le fait que tu vendes une console mini de 40 balles avec 3 jeux dessus, c'est parce que t'as des mecs qui ont la nostalgie. Bien sûr. Sinon, ils n'arriveraient pas à les vendre, leurs consoles. Non, bien sûr. Mais d'ailleurs, justement, le fait qu'il y ait des mini dans à peu près, enfin, on va dire sur toutes les consoles quasiment. Quasiment. On va dire, est-ce que justement ça a contrebalancé un petit peu l'effet rareté et donc. Ça a fait abusif. Pour moi, ça a fait l'effet inverse. En fait. Ça a fait totalement l'effet inverse parce que les gens se sont dit tiens, c'est cool de jouer sur LCD, mais j'ai ma Super NES dans le grenier de mes parents. J'ai la SNES Mini. Je vais essayer de rebrancher ma SNES. Ah, c'est cool, j'ai Mario. Ah, bah j'aimerais bien rejouer Metroid. Et, du coup, je vais l'acheter. Ça a remis l'eau à la bouche des gens, en fait. Ouais. Ça leur a redonné envie de redécouvrir les jeux qu'ils avaient peut-être pas connus avant. Et que maintenant tout le monde dit ouais, c'est le meilleur jeu de la console, etc. Il faut absolument que tu l'aies. Après, je dirais qu'il y a un autre effet qui n'existait pas il y a 10 ans. C'est qu'il y a 10 ans, c'était un peu tu faisais les brocs et puis tu tombais sur des mecs qui savaient pas trop ce que c'était, t'étais content. Aujourd'hui, c'est de plus en plus référencé, c'est de plus en plus renseigné. Il y a des cotes, il y a des décotes. Il y a des trucs qui fait qu'il y a 10 ans, c'était un peu plus facile de trouver, entre guillemets, un jeu de valeur à pas cher, parce que le gars, il savait pas ce qu'il vendait. C'est ça. Aujourd'hui, les mecs, quand ils commencent à vendre des trucs, il y a même une émission de télé, je regarde pas trop la télé, mais il y a une émission de télé, comment ça s'appelle, je sais pas quoi, avec Sophie d'avant ou Sophie d'après, là, comment elle s'appelle, elle, je sais pas, mais ouais, d'avant, ouais, voilà, c'est ça, Sophie d'avant, ils vendent des merdes, ils font évaluer ça par des experts. Bah aujourd'hui, dans le rétro gaming, quand tu vas en broc, que tu tombes sur un mec qui vend des jeux vidéo, c'est rarement une petite mamie ou un gars qui sait pas ce qu'il vend, hein. Généralement, le jeu qui sort, qui est dans sa petite bassine là, ou dans son truc, ils savent, hein. Ils savent ce que c'est, ils savent ce que ça vaut. Ils savent, ça vaut du pognon. Aujourd'hui, ils veulent pas te débarrasser. Ils veulent juste faire un max de fric. Oui, là, c'est clairement. Mais est-ce qu'ils ont tort? Non, je pense pas, parce qu'il y a des gens qui vont les acheter. C'est le prix du marché, après. Mais pour répondre à la question du est-ce que le rétro gaming, ça coûte cher, ça commence à coûter plus cher que ce qu'était il y avait 10 ans, parce que c'est un marché référencé qui n'était pas référencé il y a 10 ans, peut-être un peu plus, mais voilà. J'en parle aussi parce que récemment, un ami que je salue, Jamet, salut, c'est un peu le bienfaiteur de notre association Joro Network, qui édite cette émission et ce site. Il nous a redonné de l'argent ce mois-ci pour les frais, tout ça. Merci. Merci à lui. Tu m'as pensé en fin d'émission ? C'est vrai. donc il a fait un don et il m'a proposé aussi une NES. Et du coup, j'ai regardé les prix. Mais c'est hors de prix, une NES, c'est hors de prix, réellement. En loose ? Loose ou avec boîte ? Non, en loose. Avec les câbles de manette ? Je trouve ça hors de prix. C'est 45 balles, 50 balles. Ça vaut combien encore ? Ça vaut 50 balles, 50 balles en minimum bon état. 50 balles. Ouais. Grise. Minimum 50 balles, ouais. Avec boîte. Ouais, mais maintenant, 50 balles. Mais non, mais je peux comprendre qu'un joueur pas trop regardant, il préfère payer une console mini à 30 balles avec 10 jeux dessus que de se dire, bah attends, je vais sur eBay et le truc le moins cher que je trouve, c'est un truc pourri. Mais normalement, le rétro gaming, il est entre guillemets fait pour les gens effectivement de notre génération et qui, normalement, on pouvait pas se payer ça quand on était gamin. Du moins, c'était les parents, fallait mettre la pression, tout ça, tout ça. Maintenant, on est censé avoir un peu plus, avoir un peu plus de pouvoir d'achat et tout. Et donc, luxe, c'est peut-être un trop gros mot parce que effectivement, si c'est luxe pour des jeux spécifiques sur des consoles spécifiques super rares et tout ça. Après, de manière générale, si t'es regardant sur, si t'es pas trop regardant sur le fait que ça soit en état excellent, sans une seule rayure sur le truc, ou faut qu'il y ait absolument le mode d'emploi du jeu et machin, voilà. Les boîtes avec les jeux. Et moi j'ai vu. C'est ça. Si t'es pas trop regardant là-dessus, tu peux t'en sortir pour des prix décents, en fait. Descend, mais plus cher qu'il y a 10 ans. Ouais, voilà, c'est exactement ce que je voulais dire. Ah non, mais bien sûr. Bien sûr. Une NES, il y a 10 ans, 15 balles, t'en avais une, hein. Honnêtement, 20 euros. Ouais, entre temps, il y a une NES Mini qui est sortie à 20 balles. Voilà, mais moi, je sais qu'il y a pas si longtemps que ça, je sais plus si c'était cet été ou l'été d'avant, je crois que c'était l'été d'avant, où j'avais fait une broc où j'ai vendu de la merde à 1 euro. Enfin, voilà, c'était pas des jeux vidéo, hein, c'est une broc, voilà. Et j'ai fait le tour de la broc et je suis tombé sur un mec qui avait une NES en boîte avec le bundle où il y avait le flingue, tu sais, le. Ouais, le. Et le double Mario Duck Hunt. Mario Duck Hunt. Il avait la boîte, le flingue, la notice, le jeu, tout. Il vendait ça 150 balles, hein. Mm. Ouais, c'est le prix en bon état. Ah ouais, non, mais c'est ça. Bon, c'était franchement, j'ai pas vérifié si c'était en bon état ou pas parce que je l'ai pas eu dans la main, je l'ai juste vu poser sur le stand. Ça m'a interpellé, je lui ai posé la question, je dis "Ah tiens, tu l'as fait à combien ?" Il dit "Ah bah moi je l'ai fait 150." Ah OK, d'accord. Après moi je collectionne depuis 15 ans, je fais les brocs depuis plus de 15 ans. C'est simple hein, il y a 15 ans, je revenais avec le portefeuille plein, le coffre blindé. Et aujourd'hui, je reviens avec le coffre vide et le portefeuille plein. Tout simplement. Alors, soit il y a plus rien, soit c'est trop cher. J'ai pas vérifié. C'était... Ouais. Après, c'est comme une collection quoi. C'est difficile de s'arrêter. Et honnêtement, une collection depuis 15 ans, elle a pris plus de 50%. Ah oui, bah oui, ça forcément. C'est ouais. Énorme quoi. C'est un jeu qui valait 10 euros à l'époque va valoir maintenant 20 balles quoi. Mais 30 balles. Oui, globalement, le jeu, enfin, jouer, c'est presque devenu un loisir de luxe. Tout à fait. Parce que un PC ça coûte un vrai PC qui tourne bien ça coûte entre 700 et 1000 balles ouais un PC sans tour sans rien ouais. C'est, sans écran juste sans la tour ouais je m'exprime mal je veux dire juste les câbles un PC juste la carte mère qui flotte les jeux sur console c'est 70 balles maintenant t'as la VR qui arrive un casque VR c'est entre 500 et 1000 euros aussi des abonnements, abonnements cloud gaming ouais. Machin tout ouais, commence à être le PS Plus enfin que des conneries comme ça hein, c'est ouais. Donc ouais. Ouais donc du coup on est DLC. Façon, on est dans une époque où de toute façon les gens vont être capables de mettre de l'argent beaucoup d'argent pour une console rétro parce que à côté de ça ils savent qu'ils mettent aussi beaucoup d'argent pour une console pas rétro et que de toute façon entre avoir une PS5 qui sortira à 800 balles et avoir plus de sensations peut-être si tu retrouves une SNES de ton enfance mais qui te coûtera 100 balles mm. Bah tu te dis oui bon alors je préfère claquer 100 balles quand même mais c'est l'époque c'est un peu l'époque qui veut ça on va dire c'est... Ouais je connais beaucoup de gens qui commencent doucement qui se disent ah bah j'ai retrouvé ma Super NES ouais et puis après ils se disent ah j'aimerais bien savoir ce que ça donnait la Mega Drive parce que je l'ai pas eu une fois qu'ils ont la Mega Drive ils se disent ah j'aimerais bien m'offrir une Neo Geo ouais ah, c'est marrant parce que c'est le collectionneur ça, quoi. Ouais, voilà et puis après ça monte puis après bah les gens c'est vrai collectionneur ça ouais. On a Tourche qui nous dit salut à toi Tourche. Salut Tourche. Et Jack qui nous dit Parapa c'était en 97 et Space Channel en 99. Merci Jack. Merci pour la précision. Merci Monsieur Musique. Monsieur Musique. Qui dit Balek aussi comme d'habitude. Mais ça c'était il y a une heure en fait hein, donc. Ah, c'est pas toi qui avais écrit Balek tout monde... C'est pas toi. Non moi je le dis assez pas la peine de l'écrire. Tout le monde a pas un PVM dans son coffre. Ah oui j'ai un PVM dans mon coffre. Qu'est-ce qu'un PVM? Professional Video Monitor. Ah oui, c'est beau. Des Trinitron, ouais, mais les oui, bah t'en as. Ouais. Il faudra le ramener la prochaine fois parce que c'est vraiment chiant. Merci Jack, on y pensera. quand j'aurai fini de rembourser le compresseur que je viens de péter, j'en rachèterai un peut-être. Quoi d'autre? Ouais, il y en a plein qui vous. Alors, je parle à Jack. Non, je parle pas de Jack, mais il y en a plein qui vous diront en vous regardant de haut un peu qu'un vrai rétro gamer collectionneur justement, bah c'est un mec qui a des bornes d'arcade chez lui. Il y a des consoles originales trouvées à 400 balles, sinon c'est pas un vrai rétro gamer, tu vois. Des jeux sous blister à 300 euros. Il nous manque euros. Un peu, hein. Ouais. Ouais, c'est vrai. Non, parce que ça me fait penser à ça, parce que justement, le JDG, on en parlait tout à l'heure, récemment, il avait fait une vidéo, une FAQ, je sais pas, où il montrait le décor derrière lui. Ouais. Et où il disait. Non, c'était les coulisses des. Ouais, mais c'est pareil, c'est la collection d'une vie, quoi. Non, mais non, justement, lui, il disait qu'il y a quasiment rien qui vaut cher derrière. Parce que c'est, oui, c'est la collection d'une vie, dans le sens. C'est des trucs qu'il a. Exactement. De l'époque. Il les a achetés à l'époque. Ça lui et a que rien finalement, coûté, finalement, il a pas. Il trouve pas d'intérêt à aller chercher un jeu sous blister, machin, 150 euros, alors que soit il y a joué à l'époque, donc il l'a encore. Soit il veut y rejouer, donc il en trouvera un pas cher, ou en ému. Soit vraiment il y a des coups de cœur où il veut avoir vraiment le Zelda avec sa boîte, donc celui-là il le payera 200 balles pour l'avoir, mais il en aura un sur une collection. Ouais, parce que ça ce sera sa petite madeleine. Ouais, mais il va y jouer. Oui, il va y jouer. Il va y jouer parce que le truc sous blister, enfin, ah oui. Pour moi, en tout cas, c'est effectivement pour se palucher dessus pour la collecte et bien pour sûr. Dire, mais ouais, j'ai un truc qui vaut 400 c'est balles. C'est pile de la collection, ouais, c'est exactement ça. Bien sûr. Mais c'est pas un rétro gamer, alors c'est un collectionneur. Ouais. Alors, tu sais que moi, je connais des gens, je ne citerai pas parce qu'ils sont connus, mais qui ont des fois des jeux, enfin, connus parmi nous, je veux dire. Mais je connais des gens qui ont double jeu, hein, un jeu sous blister et un jeu pour jouer avec. Hein. Bah, bien sûr. Ah oui, c'est les mêmes, je pense. Peut-être. Mais voilà, mais. Moi, j'en ai. Toi, t'as les deux ? J'en ai, oui. Ouais, t'as ce genre de gars-là ? Mais après, c'est des jeux, c'est des jeux à 30 balles sous blister. Enfin, tu vois, je vais pas, pas m'offrir, jamais je m'offrirai un Zelda sous blister pour juste le regarder et me palucher dessus, quoi. Ouais. C'est juste pour me dire, dans ma collègue. J'ai un blister, ça ressemble à ça, ouais, c'était comme ça. Je suis tout à fait d'accord. Mais c'est, je vanne dessus, mais c'est, moi, ça me paraît en vrai légitime parce que, c'est, encore une fois, c'est, au-delà du jeu vidéo, c'est un objet. C'est un objet, c'est comme ça fait une figurine, partie de l'histoire c'est du, comme un vieux vinyle que tu veux pas ouvrir pour pas machin. Voilà, ouais, moi, je comprends. C'est, ouais, c'est, non, pas, mais ça après... me paraît pas. Après, j'ai regardé vite fait parce que souvent on dit voilà, que du coup, tout est plus cher maintenant en termes de console. On sait très bien qu'il y a les Rolls-Royce, vous savez, les Neo Geo et tout ça qui étaient super chers à l'époque. Donc j'ai regardé un petit peu les prix des consoles quand nous on était gamins. À combien ça sortait ? Avec inflation ou pas ? Avec inflation, je vous ai regardé. C'est intéressant. Ah. En dollars ajustés sur l'inflation. Alors globalement, toutes les consoles de l'histoire, quasiment toutes, hein, sont toutes sorties globalement aux alentours des 600 dollars. Ok. Okay. Donc, ça nous ferait dans du 500 chez nous, 500 ? 560, 550, ouais. On parle de quelle génération là ? Alors je parle de toutes les générations en dollars ajustés. Ça veut dire que si aujourd'hui n'importe quelle console de l'histoire sortait maintenant, plus ou moins toutes, elles sortent aux alentours des 600 dollars à chaque fois. Et en pas ajusté du coup, parce que genre, pour moi, une NES. Bah en pas ajusté, NES, ça valait combien ? C'est sorti entre 300 et 700 dollars en fonction des années. Par exemple, la Neo Geo qui coûtait 650 dollars à l'époque, donc du coup c'est pas cher puisque c'est plus ou moins dans la tendance 600 dollars. Mmh. Et c'était en 90. Aujourd'hui, elle vaut 1270 dollars. En boîte. Ouais. On parle bien de la console. La console quoi, qui est sortie. Oui. Neuve. Dans le commerce. Neuve. Et par exemple, l'Intellivision qui est juste là derrière vous, 300 dollars en 77, donc aussi 1270 dollars aujourd'hui. Ouais. Ah ouais. Donc, mais plus ou moins, c'est tu vois, en fonction des années, on est toujours sorti dans les 600 dollars. Mais tu vois, l'Intellivision était à 300 dollars, elle était pas chère à l'époque. Mais aujourd'hui, ça vaudrait. Oui, elle est pas chère, mais pour nous, avec pour nos 300 dollars à nous. Ouais. Mais 300 dollars dans les 70, ça fait 1000. Ouais, ouais. Si on applique l'inflation. Ouais, donc ça. Voilà, donc finalement. Donc on est totalement en raccord avec ce qui se fait aujourd'hui. Finalement, si, quand t'as une PS4 ou une Xbox qui sort dans les 600. Enfin, plutôt dans les 700, 800 euros maintenant. 100 euros, la PS4 est sortie, je crois. 700. 700, ouais. 700, plus dans les 700. La première, Je sais que la PS3, elle était sortie à 600 balles, ça avait fait du bruit. Ouais, la toute première. Aujourd'hui, les consoles durent nul dans les au moins 700. Ouais, ouais. À part après, quand t'as des Slim et tout ça. Après une console à 700 balles, maintenant, c'est quoi la durée de vie d'une génération de console? C'est 5-6 ans. Ça fait 100 balles l'année, ça va. Hein. Bah, par rapport à un PC que tu payes aussi 700 balles et que tu vas trimballer 3-4 ans. 3 ans, ouais. 3-4 ouais, mais c'est 100 balles l'année plus, on va dire, 3-4 jeux dans l'année, quoi. Ouais. Au moins. On avait fait le calcul la dernière émission, on arrivait plus ou quand même à. Presque le double pour une console par rapport à un PC. Et alors, au niveau des jeux, au niveau des tarifs, j'ai pas regardé. Jeux, non, j'ai regardé juste. Moi, je crois que j'ai l'impression que c'est à peu près pareil. Hein. Pour moi, c'est moins cher aujourd'hui. Ouais, pour toi, c'est moins cher aujourd'hui. Parce qu'il y a des jeux qui sortaient, tu vois, les méga cartridges et tout, 24 mégas, ouais. C'était dans les 600-700 francs. Ouais. Et aujourd'hui, on est plus à 60 euros. Je parle pour un jeu console. Mmh. Hein. Donc, on est bien moins cher maintenant. Bah les jeux que, PSX en qu'un jeu avant quoi. Mais moi j'ai le souvenir. Ils sont à 200 balles. J'ai le souvenir de la fin de la Mega Drive où il y avait. J'irais même jusqu'à dire la début. Je sais plus si c'est fin de 32X ou fin. Enfin, où ils ont sorti Virtua Racing. Ouais, Virtua Racing. Ouais. Il était à 700 francs, je m'en souviens très clairement. Il y avait la puce 3D dedans. Ouais, etc. Parce que j'avais le jeu en main, j'étais chez Leclerc. 100 euros. Pour pas donner de nom. Et j'avais le jeu dans la main comme ça, j'étais là, je dis 700 balles, mais jamais de la vie. J'arriverai à convaincre mon père ou ma mère d'investir 700 balles dans un jeu de bagnole sur console, sachant qu'en plus, on commençait à entendre l'arrivée des nouvelles consoles. On parlait de la Saturn qui allait arriver très vite. Il y avait déjà la PlayStation, je crois, qui était déjà sur le marché, puisqu'il est sorti en 97, je crois. Et PlayStation est sorti en 96, 97 chez nous, je crois. Date, je sais pas. Mais alors, c'était super tard et je savais que je pourrais pas convaincre mes parents d'acheter un jeu aussi cher, sachant qu'à ce prix-là, j'avais quasiment une console ou une demi-console, quoi. C'était pas possible. Ça ferait 100 balles de maintenant, mais à l'époque, pour l'époque, ça ferait 200 balles, quoi, quasiment. Ouais. Est-ce qu'on raconte pas n'importe quoi depuis tout à l'heure ? Enfin, je sais pas, là, dans le chat, Jonathan Tourcher qui dit que la PS4 était à 400 balles à sa sortie. Ça me paraît. Pour moi, la PS4 était pas chère à la sortie. Hein. À Google, pas... peut-être Tourche. Je suis à faux Tourche. Demande à Google. Demande à Google. Et si tu as vrai, je ne vais pas le dire à l'antenne, donc c'est pas grave. Non, mais dans tous les cas, peu importe le prix, mais aujourd'hui, les. Pas impossible. Là, les deux, est moins cher aujourd'hui. Les deux consoles c'est qui vont sortir à la fin de cette année vont coûter entre 600 et 800 euros. La Xbox One Series X là, et la PS5, elles seront pas à 400 euros. C'est impossible. De toute façon, même. Ah non, je crois qu'ils ont annoncé. Ouais, ils ont rien annoncé officiel, mais non, c'est plus de 600, ça, plus c'est de 600. Sûr. Techniquement, ils n'arriveraient même pas à rentrer dans les clous de leur budget, je pense, s'ils se mettaient à 400 euros les consoles. En sachant qu'un casque VR, minimum un casque VR aujourd'hui, c'est. C'est 150 balles. Oh, bah, PSVR. La très mauvaise qualité, oui. Je parle PSVR à la base. Un vrai casque, ouais, on est d'accord. C'est 600, 800 balles, non? L'Oculus Rift, il a combien là? Bah, moi, à l'époque, je l'ai payé 800, mais maintenant, ça doit être 500. Ouais, c'est quand même. Ouais, ils ont sorti des modèles plus restreints aussi. C'est moins cher, mais c'est quand même un budget, quoi. C'est le prix d'une console, quoi. Tu vois. Alors que c'est techniquement un accessoire. Ah oui, mais bon. Est-ce que dans 20 ans, les jeux d'aujourd'hui auront la même cote que les jeux d'il y a 20 ans? Aujourd'hui. Ouais, mais est-ce que l'inflation sera pareille dans 20 ans que maintenant? Non, mais je pense pas qu'il y aura. Enfin. À moins des grosses versions collector. Ouais, tu vois, est-ce que ça va se pérenniser sur la collectionnite? Non, je pense que c'est comme Tourche tout. À vrai. Tourche à vrai, bravo. Mais Tourche. Je ne le dirai pas quand même, merci. Je pense que si, maintenant, l'industrie du jeu vidéo a conscience de ce. Elle a conscience depuis longtemps en vrai, mais je veux dire, elle a parfaitement conscience de la collection, tout ça. Et c'est pour ça qu'il sort des versions collector et que surtout qu'en plus avec le démat et tout, comment tu veux faire ça? Non, je pense qu'il va y avoir des. Non, je pense que c'est. Le notion de collection va se terminer assez rapidement. Moi, j'ai quand même le plaisir à foutre mon CD dans le truc. Hein. Ouais, bah ça après c'est toute une question de plaisir. Oui, mais je dis plaisir, pas. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de jeux qui sortent des maths. On a tous certains plaisirs à enfourner des choses dans d'autres trucs, mais après cela ne nous regarde pas. C'est pas le même débat. Bah, c'est très fin ça, Jonathan. Bah bravo. Oui. Qui est ce Jonathan? Je ne sais pas qui c'est. Tourche. Eh bien voilà, nous en avons fini avec ce débat malgré les erreurs que nous avons pu dire. Notamment sur le prix d'une console. Ça arrive. Toutes mais quand confuses. Même au meilleur. Nous allons passer à la nouvelle chronique de l'émission. Mais avant toute chose, je vais mettre le nouveau jingle aussi. Oh. Puisque c'est la première de Juju. Bravo Juju. First. Avec la chronique TechPaf. Oh, make man. TechPaf. No. Woman. Woman. Woman. La chronique de Juju. Alive. Ah. Voilà. Génial. Ça finit sur un rose. C'est magnifique. C'est... Ça me correspond tellement. Ça te correspond. C'est beau. J'adore ça. Dis-nous tout. De quoi on va parler? Eh ben, on va parler de choses plus ou moins techniques. Je vais essayer de pas trop rentrer dans les choses compliquées. Je veux simplement commencer en disant que c'est important de préciser que tout le monde est capable de réparer des choses. Ouais. Surtout aujourd'hui avec tous les tutos qu'on trouve sur internet. Si on applique une bonne méthode, qu'on a les bons outils, on peut faire beaucoup de choses simples, voire compliquées, avec un tout petit peu d'entraînement, quelques connaissances de base, des potes qui gèrent un petit peu mieux éventuellement l'électronique ou autre. Et surtout, ça permet d'économiser un peu, voire beaucoup d'argent, vu le prix du rétro en ce moment. Ouais. Et comme disait le patron de la fistinière, c'est en mettant les mains dedans qu'on apprend en s'amusant. Si tu sais pas ce que c'est la fistinière, demande à Google. Si t'as plus de 18 ans, à Google Images. Et si t'es pas au travail. Aujourd'hui, je vais t'apprendre simplement à nettoyer tes cartouches de jeu. C'est simple, c'est surtout les cassettes, comme disent les anciens. On a tous vécu ça. Tu reviens de brocante, du cash, où t'as reçu ton plus beau jeu sur eBooz. Tu mets le jeu dans ta console, et là, pas d'image, pas de son, rien. Tu peux pas jouer, t'essayes 4, 5, 6 fois. Ça arrive souvent ça? Ça arrive souvent, très très souvent pour ma part. Que c'est ce mauvais, soit sur NES, Super NES, Mega Drive. Si t'achètes pas cher, c'est pour ça. C'est chiant. Donc t'es dégoûté, la première chose que tu veux faire forcément c'est souffler dans la cartouche. Ah! Et là je dis non. Et non? Et non. Bah non, stop. Non. On souffle pas. Mais non, sinon. Ça ramène de l'humidité, tout à fait. Ça apporte rien de bon. Coronavirus. Exactement, en plus, c'est transmissible. Même si tu te souviens que quand t'étais petit, ton cousin Jean-Kevin postillonnait la cartouche pour que ça marche, c'était de la chance ou du hasard, rien d'autre. Je vais simplement te proposer deux petites méthodes simples pour nettoyer tes cartouches. Une pour les manchots ou les fauchés, qui savent pas dans quel sens on va pour desserrer une vis. Et l'autre pour les vrais bricolos, ceux qui savent faire la différence entre posidrift et cruciforme. Oui, il n'y a pas que cruciforme dans la vie. Ah ouais ? Ah oui ? Moi je mets de l'eau de Javel dedans pour nettoyer. Parfois. Pour la première méthode, pas besoin de grand chose. Je vais vous montrer des cotons-tiges. Alors, problème ? Bientôt c'est interdit. Ça ne se Bio. Produit plus. Bien sûr. Il est mignon. Pas de plastique. Ah ça y est. Il est mignon. Pour les poissons. Du vinaigre blanc, si t'as que ça dans ta cuisine, ou de l'alcool pur, l'alcool isopropylique à trouver dans une droguerie. Montre-y à la caméra, regardez. C'est test d'urine d'hier. C'est le test d'urine, c'est parfaitement clair. Parfaitement clair. Je sais pas si ça se voit bien, mais ça brille en fait, c'est pas juste transparent. Ah mais ça brille, c'est magnifique. C'est qui brille. Par contre, pas l'agneau du grand-père, sauf si t'as soif. sur l'élément de la cartouche qui vient s'insérer dans la console. Parce que là tu suis, c'est le petit élément que tu retrouves là. C'est la petite grille là. Le truc qui se met dedans. On peut apercevoir des contacts dorés. Donc il y a des contacts sur le dessus et sur le dessous de la carte. Attends, je prends cette cartouche qui vaut 100 euros. Pour de vrai. C'est pour ça. De vrai. Tu prends ton coton-tige, tu l'imbibes dans le vinaigre ou de l'alcool et tu frottes simplement sur les contacts dorés au-dessus et en dessous. Tu recommences plusieurs fois en essuyant les contacts avec un coton-tige sec à la fin. C'est tout. Voilà, c'est tout, regarde. Voilà, tu remets ton jeu dans la console. Tu vois bien comment elle est nickel ? Tu l'allumes et tu joues. Tu vois pas, mais c'est nickel. Ça t'a coûté un coton-tige et 3 gouttes de vinaigre blanc et ça fonctionne. Et 3 gouttes, je préfère la deuxième méthode pour les vrais bricolos. Pour ça, il y a besoin d'un petit peu de matos. Il te faut un tournevis porte-embout. C'est un tournevis qui porte les embouts. Wouah ! Refais-le ! Attends, refais-le. Et au bout, il y a un... Oh voilà. C'est et marrant, hein. Un embout Gambit. Ah, qu'est-ce que c'est que ces embouts Gambit ? Et une gomme. Une gomme blanche. Une gomme blanche, tout simplement. Il y a deux tailles pour les embouts Gambit. Un peu comme ma bite. Merci. Il y a le petit Gambit pour les modestes, qui sert aux cartouches de jeux Nintendo principalement. Donc Super NES, NES. Et le gros Gambit pour les prétentieux. Qui sert pour les consoles. Ce sera après les gros bits. Et certains jeux, notamment les jeux Mega Drive, on peut les ouvrir qu'avec des gros game bits. Où c'est que ça s'achète ? Ouais, ça se trouve où ça ? Alors ça se trouve sur le net dans toutes les meilleures boutiques. Tu tapes game bit dans Google et je le trouve. Tu tapes game bit. C'est bon. D'abord tu tapes Game Trip, comme ça tu viens d'avoir chez nous. Voilà, et ensuite tu dis... tu tapes game bit. Ah tiens, c'est game bit. Par contre, pas plus de 5 euros les deux, hein, ça coûte rien. Ça va. Alors si t'as vraiment pas de sous, c'est pas écrit sur ma feuille, mais je vais te donner une astuce. Tu prends un stylo bic. Tu retires la mine de crayon, tu chauffes un coup de briquet, tu fous sur l'empreinte de ta vis, t'attends et tu dévisses. T'as ton embout game bit gratos. Mais oui, putain, mais c'est incroyable. Enfin, pour le prix d'un bic que t'auras piqué à ton boulot. Et d'un donc le but c'est d'ouvrir la cartouche. Alors je vais essayer de le faire en live. Oh là là, oh bah attention, on arrive sur deux. Et voilà. Alors, attention. J'ai déjà cassé le compresseur. Donc il y a deux vis. Alors on commente. Et il ouvre une cartouche à 100 euros, les gars. Il y a deux vis sur la cartouche à 100 euros de Vampire Kiss. Attends, sur on va commenter l'action comme si c'était une action de golf. Vas-y. Ah, il est en train d'ouvrir la cartouche. Oh, très belle. Oh, quelle prise en main. Magnifique. Les doigts. Magnifique. Attention. Et là, qu'est-ce qu'on trouve ? Les doigts pas graisseux. Hein. Là, magnifique carte. Une carte verte. Il y a ça dans votre jeu à 100 balles. C'est génial, hein ? Ouais. Avec que ça. C'est juste une petite puce verte. Foutez de ma gueule avec le plastique. Voilà. Donc ici, on voit les. Les contacts. Ouais. Contacts dorés. Non pas à leur fin, mais à mon avis cuivrés. Vous prenez votre plus belle gomme blanche. Heureusement qu'il n'y a pas de. Magnifique gomme. Et vous avez simplement à frotter les contacts. Ah, on est. On, les est on regarde ça comme. Voilà. Hein. Je sais pas pour vous. Vous gommez chez vos mais... contacts. Vous essuyez un coup avec le doigt. Vous faites l'autre côté. Pas d'alcool, pas de. Rien du tout. Pas juste la gomme. Vous êtes sûr ? Et vous allez voir, vos contacts qui étaient noirs, gris, un peu noircis vont devenir tout dorés. Ah ouais. Vous remettez la petite carte. Le merdier dans le truc. Dans la boîte. Alors normalement vous pouvez pas vous tromper puisque c'est détrompé. Ensuite, attends, faut que je me retrouve là parce que je sais plus où j'en suis. Bah après il faut revisser. Voilà. Après bah simplement oui, tu remets le couvercle sur ta cartouche, tu revises tes vis, tu mets la cartouche dans ta console, t'allumes et normalement ça fonctionne. Ah ! Magique. Mais pourquoi se faire chier à faire la deuxième solution alors que la première fonctionne ? Parce que la deuxième solution, t'es sûr que tout est bien nettoyé. La première, en fait, t'arrives pas à voir les contacts. Parce que t'es quand pas avec pas nous. Ouvert. Intelligente cette question. En fait, non, Jay, il est pas avec nous. Non, c'est une très bonne question. Il a pas vu, en fait. Il a pas vu ce que. Non, mais si je vous vois, mais avec une minute de retard, en fait. Ah ouais. Il nous voit quand même. Je suis con. En fait, tu vois pas la gueule des contacts quand, tant Tiens, que t'as pas ouvert la cartouche. Tiens, tu verras ça dans une minute. Donc, honnêtement, des embouts, ça coûte pas cher. Ça te servira à démonter, réparer tes consoles, démonter tes jeux, les nettoyer correctement. Oui, ça peut servir. Je préfère la deuxième méthode parce que je suis un vrai bricolo. C'est ça. Si après ça ton jeu marche pas, bah t'as pas de chance. Mais tu pourras toujours leur vendre comme tout le monde en apposant la phrase magique « jeu non testé ». Hey ah, oui. Un peu comme ma bite. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Je te préparerai d'autres astuces pour plus tard. Si t'as des demandes particulières, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Voilà. Et oublie pas, c'est en mettant les mains dedans qu'on apprend en s'amusant. Oh là là. Comme dirait le patron Jean-Guy. Jean-Guy avec son mulet. Comment s'appelle-t-il d'ailleurs? Jean-Guy, Jean-Guy. Fistinière dans Google Images. Ah ouais, c'est mieux pour Blue Waffle dans Google Images. Non, surtout pas Blue Waffle dans Google Images. Bah merci Tourche, c'était une chronique fort intéressante. Tourche, il est là. J'ai dit merci Tourche pour ce qu'il a dit tout à l'heure. Bah, merci. Merci Juju pour cette chronique fort intéressante. Y a pas de quoi. Top. On espère. Top, c'était top. C'était top. Mais franchement, ouais, c'était bien. Bah ouais. C'était simple, hein. Un vrai gamer. Alors, au-delà du fait que ce soit simple, c'est surtout pratique. Ouais, pratique, et je suis sûr que tout le monde a acheté un jeu en broc et s'est dit putain, je me suis fait arnaquer, il marche pas. Et s'il fait ça, peut-être il pourra y jouer. Là, je suis sûr, il y a des gens qui se sont fait entrer. D'ailleurs, 90% des cas ça fonctionne. Après, la console peut être crade aussi, mais ça, c'est un autre tuto. Ah. Comme la fistinière d'ailleurs, ça peut être crade aussi de temps en temps. Ça peut être crade aussi. Ouais. merci. Dégueulasse. J'aimerais bien faire la suite de cette émission, sauf que je ne trouve pas mes filles. Ah, elles sont là. Nous allons passer tout de suite après cette chronique fort avenante. Et nous sommes dans les temps pour une fois. Ouais, très bien. 2 minutes de retard, franchement, ça va. Quand Jack n'est pas là, tout va bien. avec le tout venant. Le tout venant. 17h20, ça devait démarrer. Putain, on est bon. Mais on est bon. On arrive sur. On n'est pas à l'abri qui nous appelle. Hein. On garde ou on jette. Le tout venant de l'actu. On n'est pas obligé de répondre. Non. Non mais là il est pas là, il parle même plus sur le chat. Du coup Psartek ou Balek alors? Ah non bah alors. Du coup on en parle ou pas? Alors mais ouais, c'est quoi? Ah c'est quoi? Eh hey, c'est quoi? Hey, c'est quoi donc je le rappelle. Putain, il est pas là, ils sont l'inverse de Psartek et Balek. On va rappeler le principe de cette partie. Comme on est une émission de rétro gaming, on va pas parler que des infos rétro, mais on va parler aussi de l'actu. De l'actu. Ouais, parce qu'il y a des bonnes infos aussi. Hein. Bien sûr. Je vais vous donner vaguement l'intitulé, vous allez me dire si on en parle ou pas. Si personne d'entre nous trois, puisque Jay est là aussi, il est là. Est-ce qu'il est là? Oui, il est là. Mais du coup, c'est quoi? C'est la majorité qui doit décider si on parle. Il y en a un qui parle. Mais putain, mais sans déconner, ça va refaire le principe. Ça fait 4 ans qu'on fait cette émission. Bah, pour les nouveaux, on peut peut-être expliquer quand même. Pour les nouveaux, on explique ce qu'il est en train de faire. Je vais vous donner l'intitulé. Si l'un de nous décide que ça mérite qu'on s'y penche, je développerai un peu plus et on en parlera. C'est un, bon. Donc pas tu dis ça mérite ou ça mérite pas quoi. Voilà. Si quelqu'un me dit ah oui ça, tiens on va en parler. Oh. De toute façon vous savez que la plupart du temps moi je suis en balèque. Oui, donc, de toute façon, ça sera pas moi. C'est qui pas balèque par contre. alors Kakarotte qui cartonne bien, 1,5 million d'exemplaires en une semaine, le nouveau jeu Dragon Ball. Est-ce que quelqu'un va en parler? Merci. Alors merci. Moi ça m'a l'air chiant. Ça m'a l'air hyper chiant comme jeu. Alors, hormis que je kiffe le manga. Tu veux en parler donc? Ouais, je veux en parler. Ah oui, voilà. Vas-y. Ouais, on peut en parler. Ouais, je peux en parler? Bah, je vas-y. Je peux en parler. Moi aussi, je kiffe le manga. J'adore le manga. J'ai il tous a l'air... les Budokai Tenkaichi, voilà. Les Budokai. Il a l'air énormément bien représenté par rapport au manga. Par contre, c'est d'accord. Un open world, il me semble. Et cet open world a l'air ultra vide. Oui. Ultra vide ou ultra chiant? Disons que toutes les critiques qui sont venues, c'est très très fidèle au manga. Mais tu regardes l'anime, mais tu regardes du coup l'anime. Ouais, tu participes un peu plus à l'anime. En fait, bah, disons ça. Que tu regardes un anime et tu joues un petit peu de temps en temps. Mais tu regardes beaucoup l'anime surtout. Puis les combats sont super nuls parce que tu fais tout le temps les mêmes séquences de coups, de parades, ça marche toujours. Il y a effectivement pas grand chose. Le monde est immense et en fait, en dehors de la quête principale, enfin de l'histoire principale, toutes les quêtes secondaires sont à chier, genre cuisiner, pêcher. C'est un jeu l'armichette, quoi. C'est un jeu pour. C'est fanservice, quoi. Enfin, c'est comme le Sonic en film. Voilà. On en parlera tout à l'heure. Moi, j'en connais pas bien de le Kakarot parce que moi, je me suis arrêté aussi au Budokai Tenkaichi. Je sais plus combien, 2 je crois. Bah, ça a été jusqu'à 3. Ouais, moi, je crois que je me suis arrêté au 2. C'était sur PS2, je crois que je me suis arrêté. Meilleur, ouais. Fonzi qui nous écoute pas, mais je sais qu'il nous écoute pas parce que t'es un con. du coup, je peux t'insulter. Ouais, voilà. Si tu nous écoutes, bah, c'est pas gratuit, tu l'as mérité. On a pas mal joué sur ce jeu-là à l'époque et ouais, j'aimais bien. Par contre, Kakarot, tout ce qu'il y a eu après. Pareil. J'ai pas trop suivi. Le Xenoverse. Ouais, non, j'ai pas trop suivi. Par contre, là, je sais pas si j'ai des informations erronées. Nos champions du monde de la vérifie, ils le feront pour nous. Mais il y a pas une histoire de t'as pas tous les persos, faut les acheter ou je sais pas quoi. Y a pas ah, pour l'instant, non, je crois que c'est que. Bah, c'était dans FighterZ. Non, oui, oui. Ah, c'est dans FighterZ. Mais là, ça marche en saga, je crois. Là, c'est jusqu'à Boo, je crois. Ouais, non c'est. Je suis même pas sûr que ça. Ah, c'est jusqu'à Boo, ouais. Ouais, donc t'as tous les arcs. T'as que Dragon Ball Z. Mais t'as pas Dragon Ball. Si, t'as Dragon Ball au début aussi. Non. Non, t'as que Dragon Ball Z. Ça commence avec le Z. Ça commence le Z. Ouais, ok. Donc t'as pas Dragon Ball, Vegeta, par rapport à Tenkaichi, t'as pas Dragon Ball et t'as pas GT. Bon, ça c'est pas très grave. Qui le truc de merde qu'ils ont fait après. Je connais pas. Donc, je connais voilà. Que Super. En après. Tout cas, ils ont fait 1,5 million d'exemplaires, donc ça cartonne pour l'instant. Oui. Okay. Resident Evil 7 a dépassé les 7 millions de ventes. C'est la plus grosse licence de Capcom à ce jour avec 95 millions de ventes au total. On peut en parler si ça vous intéresse de savoir c'est quoi les autres. Parce que ça m'a étonné que ce soit la plus grosse licence de Capcom, Resident Evil. Ouais, quand même. Pourquoi ça t'a étonné? Bah parce que il y a quand même Street Fighter, Megaman, Devil May Cry. Bah, pour moi, Street Fighter, ça commence à devenir un jeu un peu de niche. C'est un jeu de sport pour moi maintenant. Ouais, enfin, voilà, c'est un jeu de. C'est, genre, faut être bon. Quoi. Ouais, faut jouer tout le temps, faut être très bon. Ouais. Bah, donc, les tournois. Tout à fait. Ouais, mais voilà, pour moi, c'est un jeu qui est destiné à un public précis. Alors que Resident Evil. RE7 était génial, hein. Il m'a foutu des pétoches, mais comme jamais. Ah ouais? Ah ouais, parce que t'es en FPS. Bah c'est un carton. Hein, et ultra réaliste. Et tu joues avec des mecs complètement cinglés en fait dans une maison. Et. Il y a bientôt le 3 en reboot aussi qui revient là. Ouais. Moi je me suis arrêté. C'est le premier qui est en FPS? Ou en TPS? Je crois que c'était un TPS, c'est le 4. 4, ouais. RE4 sur GameCube, PS2. Je me suis arrêté là. Et Xbox. GameCube, et Xbox. En plus, et j'avais préféré Code Veronica qui était sur Dreamcast. Hein PS2, Code Veronica, PS2 et Dreamcast. Ouais. Non, c'était lequel qui était exclu à Dreamcast? C'était Zero, je sais pas quoi. Zero. Ouais, Zero, il est sur GameCube aussi. Non, je sais plus lequel. Il y en a un qui était exclu. Je sais plus si c'était. Enfin, GameCube ouais, du coup, ça, ouais, ça. Du coup, j'ai pas joué. Resident Evil, c'est plus trop ma cam depuis ce moment-là. Je fais confiance à Juju qui. À Splinter. Plus grosse licence avec 95 millions de ventes et du coup Monster Hunter à 60 millions, Street Fighter 44, Megaman 35 et Devil May Cry ensuite 21 millions. Ça c'est les licences les plus vendues. Représentatives de Capcom. Quoi. Ben ouais, moi en même suis... temps ils ont pas beaucoup plus. En termes de grosses licences ils ont que ça finalement. Ce ouais. Qui est déjà beaucoup. Ouais, c'est pas mal. Prince of Persia qui est de retour dans un escape game en VR. Oh là là. Ah oui. Ubisoft, ouais. J'ai pas entendu parler. Oh là là. Non, tout le monde s'en fout, ok. Ouais. La Xbox Series X n'aura aucune exclusivité au lancement, mais pour nous consoler, des photos ont leaké. C'est quoi cette mode du leak là? Ouais, on en parle ou ouais, on en c'est parle dingue. Pas bah, apparemment, on en parle pas. Hein. Non, hein. Non. Il y aura ni Sony, ni PlayStation 5 à l'E3 cette année, mais pour nous consoler, des images ont leaké. Quelle bande de couillons. Voilà. Vous les avez vus les images de la Xbox et de la PS5? On en parle. Non, moi j'ai vu que le développement de kit quoi. Ouais, bah c'est ça, le développement de kit ça ressemble à la. Ça ressemble à la Cité des 4000 à la Courneuve. Ça ressemble à un vaisseau, je sais pas. Ouais, c'est. Ah, ça c'est un. Ça c'est un dev kit. C'est un leak ça? Ouais. Moi je crois que c'était une image officielle. Hein. Non, c'est un leak officiel. Tellement il y en a partout. Un leak officiel. Ouais, mais c'est le kit de dev donc. Ouais. Non, ouais, c'est pas la PS5. La vraie, elle ça. Ressemblera à un carré avec des espèces de. Un peu de travers avec des espèces de coups de. Puis elle sera noire. Ouais. Puis elle sera attends, écrit PS5. Il y a un milliard de mèmes en mode grippin. Oui, voilà. Manche disque, tu fais. Ils ont tout fait des pantoufles, ils ont tout fait avec. Hein. Bon, l'Xbox c'est pareil, hein. Je sais pas si vous avez vu, mais la Xbox c'est une espèce de brique grise qui ressemble à Pensée Profonde dans H2G2. Ouais, c'est ça. On dirait qu'il y a un. Moi je trouve cool la Xbox. Hein? Elle est sympa, je trouve. Enfin, la Xbox elle est sobre et tout. Bah, moi, c'est soft, bien. Ouais. C'est feignant. Quand tu vois la gueule d'une Mega Drive, même d'une Mega Drive 2 ou d'une Super Nintendo, il y avait. Non, mais feignant, un peu de recherche, mais c'est, ouais. C'est utilitaire, c'est pas un objet de déco. Oui, voilà, bien sûr que si, c'est un objet de déco. Bien sûr que si, c'est un objet comme de déco. Freebox, ouais. Mais non. Mais bien sûr que si. Mais non, mais c'est comme si tu dis ta tour de PC, c'est un objet de déco. Mais non, bien sûr que oui, c'est un objet de déco. Mais bien tu la fous sur le bureau si elle est pas belle et puis tu fais pas chier. Mais non, mais bien sûr que non. T'achètes un truc chez Ikea dégueu à 3 euros. Alors la différence qu'il y a entre une tour de PC et une console de salon, c'est que la tour de PC, t'as un milliard de choix. Si tu veux mettre un pauvre cube noir sur ton bureau, sous ton bureau que personne voit, c'est très bien. Si t'as envie de faire un objet de déco, bah t'en fais un objet de déco. Mais le problème de la console, c'est que tu n'as pas le choix. C'est, il y a une ou deux consoles, parce qu'après il y a les versions Lite ou Mini ou comment ils appellent ça. La Xbox Turok. Non, enfin, c'était la GameCube Turok. Tu rappelles? Oui, mais t'as des versions collector qui sont. Mais pour moi, stylées. C'est bien sûr que c'est un objet de déco. En plus, la console, contrairement à un ordi qui peut être caché entre guillemets sous un bureau ou quoi, il est au milieu de ton salon. Il est au milieu de ton salon, sous ta télé. C'est-à-dire que même si tu joues pas, c'est ce qu'ils te font croire. Il y a des gens qui les gens font objet de déco parce qu'ils le font croire. Tu es consumériste. Non, c'est carrément. C'est un objet de déco. Même la télévision, c'est un objet de déco. Même ils sortent des skins, tu vois, pour coller sur ta console pour que les gens ils disent waouh. Ah oui, mais dans ce cas-là, achète un skin. Voilà, oui. Ah merci Code Véronica merci, qui était l'exclu. Merci Tourche. L'exclu Dreamcast. C'est pas ce que j'ai dit? J'ai dit Code Véronica. Non, on a dit zéro. Non, j'avais dit Code Véronica et après j'ai dit, je crois que c'est Véro, je sais pas quoi. Aussi. Ben apparemment non. Et c'est temporaire. D'après Google, non. Enfin, et d'après Tourche, non. C'est de toute façon temporaire. Oui, toujours temporaire. Enfin bref, ça un an. Pour la console, pour moi, ça reste. C'est un objet de déco, qu'on le veuille ou non. Et contrairement à un PC. On peut pas choisir. Donc les mecs, ils travaillent le design, hein, c'est sûr. Et donc quand tu fais un cube qui ressemble à un pavé, c'est feignant. Il y a Sartek, hein, oui, mais au moins ça va avec tout en fait. Un cube qui ressemble à un pavé, je suis très bon en géométrie. Tu coupes Sartek ou... Ok. Alors, plein de reports qui ont été annoncés en janvier. Cyberpunk 2077, Dying Light 2 et Avengers notamment. Bah, Cyberpunk, ils l'ont bien reporté quoi. Ouais, putain, ils ont fait alors on va en parler. Hein. Parti loin. Cyberpunk repoussé de plusieurs mois. Donc le jeu qui est inspiré du célèbre jeu de rôle avec Keanu Reeves, c'est il y a l'air d'avoir avec du taf. Ouais, sortira le 17 septembre à la place d'avril. On est bon là déjà. Et après s'ils sortent une pépite comme The Witcher, moi je leur donne encore un an s'ils veulent. Le jeu d'action coop Marvel's Avengers sortira finalement le 4 septembre à la place du 15 mai. Pourquoi ils le repoussent? Ils vont mettre la gueule des gens? Non, toujours pas. Ils ont dit c'est pas parce que dans le film il ressemble à ça qu'on est obligé de les mettre comme ça. Au pire, s'ils le sortent jamais, une licence Marvel, c'est pas trop perdu quoi. Toi, ferme ta gueule. Non, mais il a raison, pour le coup, je suis d'accord avec lui. En plus, il a l'air vachement bien ce jeu-là. Pour le coup, vraiment, même si t'es pas fan de Marvel, il a l'air quand même bien. Et puis le jeu de zombies en coop, le premier était génial, Dying Light. Ouais. Le 2, prévu au printemps, lui il est repoussé à une date inconnue, comme ça c'est... Ça me va bien, parce qu'ils avaient l'air de vouloir faire exactement comme le premier, un peu mieux. Un peu plus joli. J'aimerais bien qu'ils trouvent d'autres choses à faire. Faut voir. Un jeu de zombies en coop, de toute façon... Ah, il était vraiment défoulant celui-là. Ah, il était génial. Ah, Left 4 Dead, les enfants, moi je sais pas si vous... Moi j'ai torché. Left 4 Dead 2. Ouais. Je l'ai torché, j'y joue encore de temps en temps. Ah mais là, l'idée du parcours qu'ils ont intégré dans le jeu... Mais c'est ça. C'était un Mirror Edge, mais avec des zombies. C'est magique. Il y avait un jeu comme ça qui était qui a fait un flop total et que moi j'attendais à fond, où c'était un FPS où tu pouvais faire du parcours. Mirror Edge? Non, c'était un FPS. Mirror Edge, c'est pas un FPS, c'est un jeu... C'est presque un puzzle, quoi. Bah, tu tires pas. Oui, voilà, tu c'est un FP. C'est un FP, merci. C'est un first person. Non, c'est même pas un FP, je crois. Sauteur, un first person sauteur. Tu sautes. Un FPJ. Bref. Non, il y avait un jeu qui s'appelait Brink. Je sais pas si quelqu'un. Ah, il a fait un flop ce jeu, non? Ce jeu, il s'est cassé la gueule. Ah, il était à 10€ dès le lendemain. Il n'y avait pas de mode solo. Donc forcément, il est sorti gratuit. Mais le jeu, il avait un truc qui était cool parce que moi, j'ai acheté Day One comme un con. Où tu faisais du parcours et tu avais des morphologies, tu avais des gros, des petits, en fonction de la morphologie que tu faisais. Voilà ta gueule. et tu avais des gros, des petits, des maigres, et en fonction des persos que tu prenais, du type de morphologie que tu prenais, tu pouvais avoir accès à des chemins différents. Mais le problème, c'est qu'il n'y avait pas de mode solo, que c'était que du arène deathmatch, et que du coup, à l'époque en tout cas, c'était. Il y a une dizaine d'années, c'était pas trop un modèle viable. Ça partait d'une bonne idée, du coup. Oui, c'était mais le jeu, pour y avoir joué un petit peu, parce que comme je dis, j'ai acheté Day One, il était vraiment bien, mais il pouvait pas se vendre, puisqu'il y avait énormément de gens il y a 10 ans, revenait il y a 10 ans. Ouais, ils avaient pas de connexion. Il y avait pas forcément pas de connexion, mais le jeu multi, c'était pas pour ça qu'ils achetaient un jeu. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Quand tu fais un Call of Duty, tu mets 2 heures de contenu parce que tu sais que les gens ils vont peut-être même pas la faire l'histoire. Ouais, ils vont même pas aller jouer direct en multi. Oh, putain, ça m'énerve, ça. Mais il y a 10 ans, c'était pas le cas. Il y a 10 ans, les gens ils achetaient un jeu pour l'histoire, pour le machin, pour le scénario, pour l'aventure quoi. On va pas partir dans ce débat là. Mais bref, terminé. Ça peut être un bon débat. Et donc, c'est pour ça que le jeu zombie machin avec parcours, ça peut peut-être faire ça. Ça a bien, en tout cas le premier a bien marché. et il était super jouissif. Olive et Tom de retour pour 2020 sur PC et console. Ah, Captain Tsubasa. Captain Tsubasa, exactement. Tu vois qu'on a un intéressé. Ouais, on peut en parler. Ouais, j'ai rien à dire dessus, si ce n'est qu'un trailer a été diffusé pour Captain Tsubasa Rise of New Champions. Ouais, ça va être un jeu de foot. Ça va être un manager ou... Ah non, on a été le tester, il a l'air plutôt cool en fait. C'est un Blood Bowl. Non, c'est du... C'est vraiment de l'arcade. Bon, forcément, oui, c'est de l'arcade. C'est un jeu de foot. C'est vraiment un jeu de foot. Ouais, c'est un vrai c'est jeu de foot. Où tu vas voir reprendre les techniques qu'il y avait c'est dans genre le manga. Adidas Soccer, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Bah, en gros, quand tu frappes, tu prends genre la New Team. Enfin, là, mon collègue avait joué avec la New Team. Et t'as, genre, quand tu frappes avec Olivier Hatton. Collègue, là, tu fais le double. Ouais, t'as genre, derrière, t'as le tir du. T'as un faucon parce que t'as le tir du faucon. Enfin, les conneries comme ça. Les frappes, ça fait un peu Shaolin Soccer, quoi. Les mecs partent mettre des frappes de ouf. Et en fait, il faut fatiguer le gardien, on va dire, pour qu'à un moment, il puisse plus repousser les frappes ou les arrêter et tout ça. Et, pas sûr que ça a marché. Par contre, ce qui est chiant, c'est qu'ils n'ont pas les licences européennes. Et que du coup, Olivier Hatton, il s'appelle son nom jab, je sais plus ce que c'est. Les gens vont rien Mark Landers, enfin... Ouais, c'est un peu compliqué, mais le jeu est joli et ça a l'air marrant, quoi. Pour l'Occident, enfin en tout cas pour la France, il va pas y avoir de public. Ouais, à part les artistes européens, ça va être compliqué. Ouais. Voilà, donc du coup, ce sera disponible cette année sur PC, PS4 et Switch. Mortal Kombat, nouveau film d'animation cette année. Allez, on en parle. Évidemment qu'on en parle. On se souvient tous de Christophe Lambert. Magnifique. Raiden dans le film de 95. Warner annonce un film pour ce premier semestre 2020, un film d'animation centré sur le personnage de Scorpion. Incroyable. Voilà. C'est le préféré, je crois. Ça peut être cool, ça. C'est surtout de quoi faire patienter les fans, parce que le 5 mars 2021, il y aura le reboot officiel du film. Troisième opus de la série Mortal Kombat. Il y avait Mortal Kombat et Mortal Kombat Annihilation au cinéma, et donc ce sera troisième opus reboot. Voilà. En attendant le retour de Christophe Lambert, peut-être. Je me frotte les mains de savoir ce que ça va donner et qui va être dedans. Ah ouais, non mais c'est moi. C'est quoi? C'est l'épisode de... Je sais plus si c'est Chroma ou l'autre émission de Karim Debbache là. Crost. Ouais, je sais plus si c'est Crost ou Chroma qui en parle. Je crois que c'est Crost. Allez voir ça, c'est trop bien. allez voir le film, le cross de regardez le premier film. Ah, putain. Non, le deuxième. Avec la CGI avec le cul. On se croirait dans un film congolais. Je l'ai regardé en 4 fois, je crois. J'ai pas regardé en entier, hein. Je me suis contenté de... C'est dans Street Fighter où il y avait l'Indian Black Eyed Peas qui... Ouais, c'est qui jouait Vega. J'étais en train de me rappeler. Vous voyez ce que j'ai vu ça, je me rappelle, j'ai mal encore. Voilà. Ensuite, de quoi on peut parler? Bah, du casque VR Valve Index, on a déjà parlé tout à l'heure, il est en rupture de stock à cause d'Alix. Donc ça coûte 1000 balles pour le kit complet. En sachant qu'un Rift, ça coûte 400€ aujourd'hui. Qui sont les consoles les mieux vendues aux USA depuis 95? Le résultat n'est pas surprenant. Est-ce que vous voulez le connaître? Les consoles les mieux vendues depuis 95. Depuis 95, les consoles vendues aux USA les plus vendues. Bah, c'est la Xbox, pas les Microsoft. Non. Pendant longtemps, c'est la PS2, mais là, c'est fini. Donc non, c'est la 360 en effet. Ah ouais. La plus vendue. En dollars rapportés, hein, c'est celles qui ont fait le plus de bénéf. C'est 360, PS4 et Xbox One, et en nombre, c'est la DS, la PlayStation 2 et la Xbox 360. Ouais, donc on est à peu près. Je savais que c'était je sais que la PS2, elle était longtemps première en nombre de ventes. Globalement en mondial. Un nombre de ventes. Ouais, mais si Microsoft n'est pas premier aux États-Unis, ils le seront nulle part. Hein. Ah, mais ils le sont nulle part, de toute façon. Bah oui, ils le sont nulle part. C'est, la Xbox ne se vend pas, c'est connu quand même. Ils ont oui, fait mais la 300, enfin, 360, enfin, ce que tu veux. La One, pour le coup, tu vois, la One, elle est même pas dans le top, quoi. Donc. Voilà, c'est un peu chaud pour eux. D'ailleurs, ils commencent à se demander s'ils vont pas sortir directement la One S, la Series X au Japon, direct, sans passer par les États-Unis. Fin janvier, Netflix a annoncé un film d'animation The Witcher, après la série qui cartonne aussi sur Netflix. Oh là, on en parle ou pas? Moi, je m'en fous. De la série? Vous l'avez vu la série? Non, la série, là, c'est vraiment un film. T'as aimé? Bah non, je donne ok, donc personne n'aime. En fait, moi j'ai aimé. Moi j'ai aimé. Mais au début j'étais entre Hercule et Xena, tu vois. À ce point-là? Mais au début je me dis, c'est parodique, c'est tellement bien filmé et les tellement mal joué. Ouais, c'est tellement mal joué. Puis au fur et à mesure, ça s'est un peu décanté. Non, moi j'ai trouvé que c'était une bonne série. Est-ce que Superman joue bien? Moi je trouve. Franchement. Enfin, il a un jeu d'acteur qui se résume à faire. Ouais. Au début, tu te dis, ah, il a pas de charisme ce mec. Puis après, ça va. Mais il est un peu. Enfin, je sais pas si t'as joué à... au 1. Ah non, non, moi j'ai fait que le 3. Ah, moi j'ai joué le 1 et le 2. Et je trouve qu'il est comme ça dans le 1. Hein. Il est un peu chiant au début. Il se dévoile pas beaucoup. Il a une voix un peu plus grave que la VO ou la VF d'ailleurs, parce que j'ai regardé des épisodes dans les deux formats. Et il est un peu comme ça, très souvent très neutre. Il est moins, il est plus contrasté dans le 2 et dans le 3, dans le The Witcher. Mais dans le 1, il est plus, il est comme le gameplay, il est rigide. Et du coup, c'est quoi? C'est une série d'animation ou un film d'animation? Un film d'animation, un film unique, spin-off de la série qui parlera de Vezemir, le mentor de Geralt. Okay. Et du coup, ce serait de l'image animée. Et apparemment, ce serait Luke Skywalker, aka le Joker, aka le Trickster, aka Mark Hamill, qui jouerait. Voilà, d'accord. Doublerait le mec. Vezemir. Mark Hamill en Vezemir. Fais le 1 et le 2. Pourquoi pas? Fais le 1 et le 2. J'ai pas de PC. Ils ont mal vieilli. Le 1 a très mal vieilli. Très mal vieilli, mais l'histoire est cool. Mais vraiment cool. Mais c'est, en plus, c'est l'histoire de. C'est dans le 1 où t'as l'histoire de la. Les bouquins, surtout. De la Strige, non? Oui, c'est ça. C'est dans la série, il parle à un moment de la Strige, là, tu vois. De Ada, là. Dans le jeu, dans le 1, il y a une grosse partie sur ça. Okay. Lis d'abord les bouquins. Toute la première partie ça m'intéresserait, du jeu, c'est la Strige. Plus. Autre, bah tiens, on a parlé du Joker. Un nouveau jeu de Rocksteady sur la prochaine Xbox. Rocksteady, c'est ceux qui ont fait les Batman Arkham. Et là, ils adapteraient de l'univers DC. Un autre. Ah, mais non, mais putain, mais stop quoi. Ouais. C'est vrai que ça commence à faire beaucoup. Ouais, il y en a marre. Mais en même temps, je serais pas contre qu'il y ait enfin un vrai jeu Superman potable dans l'histoire. Non, c'est le pire des héros quoi. Superman 64, Superman 64, Superman Game Boy. On l'a testé sur Game Trip, allez c'est le voir. Pur jeu. Mais c'est le pire des héros avec le moins de charisme du multiverse, quoi, sans déconner. De Superman? Mais parce que t'as vu que des itérations. C'est parce qu'il a des cheveux. Parce que tu préfères Lex Luthor. C'est parce que moi je suis Lex Luthor, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. C'est ta crypto. Non, mais sérieux, quoi, Superman, quoi. Mais attends, entre lui et Captain America, la compétition est féroce, mais malgré tout. Oh là là. Il pourrait adapter Superman Injustice ou Suicide Squad. Alors, tu vois, franchement, ça serait pas les pires des trois. Hein. Ouais. Bah, au moins dans Birds of Prey, au pire, t'as des boobs, quoi. Arrête, parle pas de trucs qui fâchent. Plus simple pour les boobs. Non, j'ai pas dit que c'était bien, mais au moins t'as des boobs. Ouais, ok, bref. Dan Houser, le papa des GTA. Moderne, ouais. Quitte Rockstar Games. S'en fout. Voilà, bon, donc son. Ils ont des milliards, ils peuvent faire les jeux qu'ils veulent. Enfin, ils quittent. Indispensable. Ils quittent. C'est celui qui avait dit. I'm quit. C'est celui qui avait dit pendant Red Dead Redemption 2, le développement, ils avaient dit ouais, les développeurs chez nous, ils vont jusqu'à 100 heures par semaine pour finir le jeu. Alors du coup, il était en congé sabbatique depuis qu'il avait dit ça. Et comme par hasard, là, il quitte la société. Donc. Ouais. GTV, une nouvelle chaîne lancée. Et pas GTTV, une nouvelle chaîne lancée par le groupe de presse SoPress et par Ubisoft qui s'est lancée le 6 février dernier. Vous en avez entendu parler, même pas? Pas du tout. Il y a de la com là-dedans? Bah, c'est quand même Ubisoft et ceux qui éditent SoFood Society et tout ça là. Ils ont monté leur truc sur Twitch, YouTube, Twitter, Facebook. J'ai regardé hier. Il y a, je sais pas, 5000 abonnés peut-être, un truc comme ça. Ah ouais? Le casting avait l'air sympa. Ouais, il y avait Jérôme Niel, Monsieur Poulpe, Pablo Mira. Ah oui, j'ai vu. Le trailer avait l'air cool, ouais. Il y a pas mal de gens. Tijol, que moi j'aime ouais, beaucoup perso. Je crois que j'ai même mis un truc sur mon Facebook de ça. Non, ouais, il y a pas mal de gens, un peu du Twitch game, streamer, youtubeur qui sont dedans et un peu de gars de la télé aussi qui sont là. Okay. Après, comme sur le live un peu, quoi. Ouais, on en parle ou pas? Le live, on en parle de ce que tu dis. Non, je pense que c'est pas la peine. On en parle de ce que tu as dit, on en parle de ce que tous les autres ont dit d'ailleurs. Voilà. Sega Europe qui va utiliser des emballages recyclables pour les jeux PC dorénavant. Toi, bah, c'est bien. C'est bien. Bravo. Du coup, il y aura plus de blisters alors pour les futures générations. Alors, les blisters, ce sera. Si, mais ils seront biodégradables. Ouais, biodégradables. Et dedans, ce sera une pochette en carton biodégradable. Et les manuels seront en papier. C'est très bien. C'est une bonne initiative. Ouais, donc faudra les mettre dans un truc qui les. Bah, dans une pochette plastique, quoi. Dans la poubelle verte. Faut les mettre dans une pochette plastique. Je sais pas. Perso, je sais pas si c'est bien ou pas bien, c'est quoi le mieux? Qu'est-ce qui est plus écolo, le démat ou pas? Parce que le démat ça prend quand même beaucoup de place. Ah non, ouais, mais là il y a zéro. Non, mais je veux dire, bah oui, mais si le démat il y a pas de boîte. Ouais, mais le démat il y a les serveurs. Mais c'est pour ça que je dis que c'est quoi le mieux? Je démat sais pas. Ou les... Ça se calcule. Les serveurs c'est. Les serveurs c'est. En impact écologique ah ouais, c'est. Ça pue, hein. Ça tartine. Du coup, je sais pas, ouais, je pense que c'est une bonne idée. Les serveurs de Valve ou de Microsoft avec des hubs, avec je sais pas combien de. Mais faudrait qu'on. J'ai pas de connaissances là-dessus. C'est mais... une bonne initiative de leur part. Après, c'est les premiers à faire ça. Voilà, ça j'espère que les autres vont suivre. C'est possible. Moi, ça me fait chier de déballer mon blister et de le jeter dans la poubelle, sérieux. Dans une boîte en plastique. Moi, je vais te dire, j'achète plus de boîtes depuis longtemps. Bah ouais, c'est pour ça, moi, je fais beaucoup de démat. Ouais, mais au moins les trucs collector, tu vois, les boîtes collector, ça te fait plaisir à avoir. Ah, mais elles sont en carton. Ça fait quand même chier quand t'achètes un jeu. Oui, non, mais bien sûr. Une clé, pas en plastique. Ah oui, oui. Ah oui, oui. Ouais, non, ça, ça me rend dingue. Ça. Nous, on en recevait à l'époque. Oui, mais la boîte du jeu, oui, soit t'as un code, mais après, pour le reste qui va avec, ça, tu l'as vraiment, quoi. Non, mais je suis d'accord, mais quand t'achètes un jeu où dedans il n'y a pas de jeu, c'est. Ah, mais ça, c'est une vaste blague. Tu vois ce que je veux dire ? Bien sûr. Surtout que quand t'achètes un objet collector type. Et les revendeurs et tout ça. Ouais. Type grosse boîte avec figurines, avec cartes à jouer, avec bracelets, avec petit bandana ou je sais pas quoi, que des merdes de goodies qu'ils peuvent mettre dedans. Tu peux mettre une galette, hein, ça coûte pas plus cher. Et là, ils sont pas foutus de te mettre une galette, ils te mettent une carte en plastique avec un code. Ouais, non. C'était ça sur Sonic. C'était ça sur. Ils ont fait sur plein de jeux. Surtout qu'en plus, il y a des objets de déco et tout. Donc, pas Trash Talk encore sur Blizzard, mais Blizzard l'a fait aussi. Donc, Le petit troll. Il n'y a pas de galette dedans. Ensuite, parce qu'on est un petit peu à la bourre, Elder Scrolls 6 pour très bientôt. Ouais, c'est vraiment. L'info, elle vient de sortir, je crois. Juste, on sait qui va sortir, je crois. Non, l'info, il y avait déjà eu un paysage. Ah ouais, il y avait une photo. Ouais, à l'E3 2018, il l'avait annoncé, mais là, c'est jusqu'à 200 postes qui ont. Enfin, 100 postes qui ont été lancés par Bethesda. Okay. Avec l'intitulé pour repousser les limites du développement du RPG sur PC et console. Ah, ça va envoyer Bethesda, le bois, je pense. De toute façon, pour moi, au point où ils en sont dans le lore Elder Scrolls ils ont pas Online, fini, hein. Ouais. Mais au point où ils en sont dans le lore. Avec Online, justement, pour faire un truc vraiment intéressant, il faut pas qu'ils fassent une région comme ils ont fait jusqu'à maintenant. Qui reviennent comme sur à l'époque Arena avec Daggerfall, un truc full map. Impossible. Bah, c'est pour ça, je comprends pas ce qu'il veut. Ce que ça va être... Ou alors ça va être un Skyrim 2. Moi, je préfère qu'ils s'orientent sur une. Hammerfall, enfin. Oui, Hammerfall, on l'a pas vu. L'enclume. Si on a vu l'enclume, on a vu chez les elfes noirs avec Oblivion, avec Morrowind, Oblivion après, enfin Morrowind pardon. On a vu Skyrim, mais il y en a, je sais plus c'est quelle, Il y a une région qu'on a vraiment pas vue du tout et je préfère qu'ils fassent une région et qu'ils se centralisent dessus et qu'ils fassent à fond dessus. Plutôt que d'ouvrir tout et que du coup. Parce que si tu ouvres tout et que tu mets autant de quêtes dans un monde ouvert que dans un Skyrim qui est juste sur une région. Ah mais non, mais là pour moi, c'est un truc énorme. Ça va te faire un jeu à 800 gigas avec 1 milliard de quêtes. Mais la giga Red Dead. Beaucoup trop parce que j'ai niqué la moitié de mon ordi avec. Ah voilà. Nouvel ordi. Je sais pas. Je suis chaud parce que j'attends de voir. Je suis fan, ouais. Mais on va voir. J'attends de voir ce que ça va être. Jay, quelque chose à rajouter ? Balek ? Absolument pas. Balek, hein. C'est l'idée. Le jeu Plague Inc. qui s'envole suite au coronavirus. Bah forcément, bien sûr. Ah, je sais pas si vous l'avez vu ça, mais voilà, le jeu, on rappelle, le but c'est de contaminer, vous êtes une maladie. Vous devez contaminer des gens, le patient zéro, qui ensuite doit prendre l'avion pour aller dans d'autres endroits, et puis il faut faire tout, il faut contaminer le plus possible, et tuer la population humaine avant qu'il y ait des remèdes qui sortent. C'est ça. Et pas de vaccin. Ouais. Et l'éditeur a cru bon de dire mais attendez les gars, nous on est sortis en 2012. Hein. Mais oui, il est vieux ce jeu. C'est pas, alors c'est un peu à cause des youtubeurs. Comme le SRAS. Ah non, c'était 2013. Non, 2003. Il y a eu beaucoup de youtubeurs qui ont joué à ça, suite au Wanky Studio notamment, qui ont fait des vannes dessus et qui ont joué à des jeux pendant l'épisode d'épidémie. Enfin, qui continue toujours. Qui continue, ouais. Mais voilà, c'est très. Mais du coup. En Chine, le jeu était le jeu mobile le plus vendu pendant au cœur de l'épidémie. Génial. C'était le jeu mobile le plus vendu. Ils sont forts ces Chinois. Donc même les Chinois en rient, tu vois. C'est... Ah non, moi je suis pour. Je suis pour. Les Chinois en rient. Et pour information, le portage mobile est très bon. Plus mais il n'est pas gratuit. D'accord. Que dire suite à ça ? Il y a un autre jeu mobile auquel je joue en ce moment. Non, mais je termine par un petit rideau. Truc. La petite découverte Kickstarter du mois de mon côté. Rustler, qui est un GTA-like médiéval. Vous avez pas trop Rustler, et ça me dit quelque chose. Ça vous intrigue c'est un jeu... Ouais, carrément. Conduit des chariots. Ouais, c'est un jeu qui est sous-titré Grand Theft Horse. C'est un monde ouvert. Excellent. C'est un monde ouvert avec plein d'easter eggs sur la pop culture et tout ça. Et c'est un style type GTA 2, vous savez, vous voyez, un peu vu de dessus. Un mélange entre GTA 2 et c'est un peu graphiquement les premiers Desperados et tout ça. Ah ouais, cool. Commando et compagnie. Ouais, voilà, Commando. Et il y a par exemple, alors j'ai vu des images où par exemple il y a Pimp My Horse et c'est un maréchal Ferrand qui peut custom ton cheval. Génial. Tu peux repeindre ton cheval et tout. Ouais, tu peux le repeindre, mettre des bannières autour et tout, c'est un truc de ouf. Ça existe pas là encore. Alors c'est sur Kickstarter, c'est bien barré. Ils ont demandé 17 000 euros, il reste 2 semaines et ils sont déjà à 19 000. Ouais. Donc du coup, je pense qu'ils vont le commercialiser quoi. Donc moi j'ai, je pense lâcher un petit 15 balles là. Ouais. En plus c'est pas cher, les paliers sont pas chers parce que je crois qu'ils sont au Canada et les dollars canadiens, genre ils demandent le deuxième palier, c'est genre 15 dollars canadiens, ça fait 11 euros. Donc c'est franchement. Tu pourras me refiler le nom. Ouais, ça s'appelle hors antenne. Rustler. Grand Theft Horse, voilà. Et donc c'est un petit studio polonais qui fait ça. Oh, voilà. Encore des polonais. Studio polonais, c'est des projets. Ah très bien. Non mais encore des polonais. Ah, comme quoi entre CD Projekt et ça. Ah hein, rigole pas. Hein. C'est pas les derniers pour la déconne. Tu m'étonnes qu'après ils se font envahir. Eh bien sur ces bonnes paroles, nous allons passer au gros beat. C'est ça? Oui. Ouais. Ça, j'avais pas mis une jingle du tout venant. Bah tant pis. J'avais mis ton jingle cette fois. Oui. Les chroniqueurs s'affrontent dans les gros beats. Pouvez répéter la question? Les gros beats. Excellente réponse. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ce mois-ci, j'ai choisi le thème des jeux d'amour, enfin de l'amour. Oh là là, nous sommes évidemment. Je devrais mettre le générique des grossettes en fond sonore. Les feux de l'amour. Tu devrais mettre le générique des amours avec Tex. Ah ouais, on en est là. Moi, je connais que Jean-Luc Reichmann. C'est vrai. C'est qui Tex? Jean-Luc Reichmann, il avait pas la tâche pendant les amours. Ouais, il se faisait. Du maquillage. Mais non, on s'en bat les couilles. donc les jeux d'amour, corporels ou pas, hein, mais bon, ça, surtout être des jeux de cul, on va pas se mentir. Comme toujours, 4 questions, on terminera par une citation parce qu'on est quand même des gros beats, les grosses têtes avec des petits beats. Du coup, il y a 16-16. Alors, je sais plus les équipes, qui est qui, Samouraï Dallas. Nous, on est Dallas et Jay tout seul, il est Samouraï. Jay tout seul est Samouraï. Sur les boulettes. 16-16. Ouais. Tu as de la sauce sur les boulettes? Alors on va commencer, on va faire un jeu pour commencer. Pour savoir. J'ai droit à Google ou pas? Non. Bah, mais ouais, c'est vrai ça. Ah, il est tout seul, alors c'est lui qui commence. C'est toujours lui qui est tout seul. Et on lui donne un tempo parce que sinon on va avoir sur Google. Ah ouais, carrément. Il y a 4 secondes de réflexion. on commence simple et l'intitulé est pas ouf, hein, vous allez voir. Parmi ces pays, un seul n'interdit pas les jeux adultes sur Steam. Lequel n'interdit pas. Le Japon, okay. L'Arabie Saoudite, l'Allemagne ou le Brésil. Un seul n'interdit pas les jeux de cul adultes, moins de 18 sur Steam. Puisque depuis récemment, les jeux adultes sont autorisés sur Steam. Il y en a un qui l'autorise pas. Je dirais l'Allemagne. Eh bien, c'est ton dernier mot, c'est le Brésil. Le Brésil. ouais, 27 pays qui ont mis leur veto. Pour interdire ça. Brésil. Dans les jeux. Je pensais que les Allemands, ils étaient cool niveau cul, quoi. Bah, carrément. Le Brésil. Il y a notamment le Japon, l'Afrique du Sud, l'Ukraine, la Corée du Sud et donc l'Allemagne. A noter que le Brésil est plus laxiste sur le cul. Et même sur les jeux comme Bolsomito, qui est un jeu inspiré de Bolsonaro, on incarne un président brésilien, puisqu'on contrôle un président qui peut tuer les manifestants, les homos, les noirs et les féministes. Ça, il n'y a aucun problème. Donc, Je vois pas où est le problème. Mais le cul, par contre. 16 partout toujours. 17-16 pour. 17-16 pour. 17 pour nous. 17 pour vient de nous donner un point. Merci Jay. Exactement. C'est gentil. Sur le tacos ou pas? Hein? Ouais. Sur le tacos. Mais sans gluten, s'il te plaît. L'équipe tacos. Lequel de ces jeux de cul existe vraiment? Dallas. Lequel de ces jeux existe vraiment? Attention! Attention. Ça peut être bizarre. Street Fighter 2 sur PC Engine. Un jeu de combat avec des nénés. Ouais. Mighty Final Fuck sur NES, un beat'em all avec des kiki. Ça c'est jouable, ouais. Quest for Glory All sur Atari ST, un jeu de rôle avec des ezettes. Quest for Glory. Vous remarquez que tous les noms c'est des vrais noms de jeux, mais. Ouais, c'est pas mal. Ou enfin Hero Quest sur Amiga, un RPG textuel où faut taper avec une seule main. C'est lequel qui existe, hein. Lequel existe, attention. Le premier existe. Attention, lequel existe, hein. Le premier, parce que Street Fighter, je l'ai vu, je l'ai lu dans un bouquin, d'accord. Il y a pas longtemps. Mais attention, hein. Alors, t'as Street Fighter. Street Fighter 2, Mighty Final Fuck. Donc Street Fighter en hommage à Street Fighter, oui, sur PC Mighty Engine Final Fuck en hommage à Mighty Final Fight, Quest for Glory All en hommage à Quest for Glory, ouais. Et Heroque Quest en hommage à Heroque Quest. Street Fighter 2 existe. Street Fighter, je suis mon ami. Est-ce votre dernier mot? Ouais, c'est mon dernier mot. Je suis mon ami du cul. Je suis mon ami du cul. C'est une bonne réponse. Merci Juju. J'ai lu la Bible PC Engine avant de venir. Ah merde. Ah bah si j'avais su. Quelle culture. J'aurais pas venu. Quelle culture. 18 à 16. Tu peux te refaire, Jay. Des cheveux. De toute façon, j'attends la dernière question. Hein. Ouais, la question évidemment, qui vaut les points celle qui vaut 63 points. comment s'appelait le mode J très controversé sur GTA San Andreas qui permettait d'activer un mini-jeu normalement supprimé où on pouvait coucher avec les petites amies du héros CJ? Ça avait fait un trollé. Les prostituées? C'était de la petite amie? Notamment, oui, aussi les prostituées. Et c'était totalement uncensored. Il y a des réponses là? Non, il n'y a pas de réponse. Ah, c'est quand même super. Ah non, mais je n'ai pas la moindre idée. Ah là là. Reformule la question. Comment s'appelait le mode très controversé sur GTA San Andreas? Cherche le nom du mode du coup. Ouais. Il y avait même eu un. Je me demande même si le Sénat américain en avait pas parlé, un truc comme ça. C'était devenu vraiment le machin gate, tu vois. Bon, alors c'est pour 0 points. Non, mais vas-y, je te donne un indice pour 0 points, ça parle d'un café chaud. Bah, hot coffee. Ouais, c'était le mode hot coffee. Je vais dire, mais il a donné la réponse en fait. Mais il est con quoi. Ça nous fait du 19 à 16. Voilà. Ouais, ça c'est creuse. Alors, l'écart. Attention, bien sûr, l'écart. Le jeu culte Laser Sweet Larry. Yeah. Mm-hmm. Le test du meilleur, le 7 est évidemment avec des vrais morceaux de boobs dedans sur GameTrip.net. Il a connu une dizaine d'épisodes tous aussi barrés les uns que les autres, merci Sierra, avec pas mal de cul dedans surtout. C'était le principal intérêt du jeu d'ailleurs. Mais dans le 7ème, justement, Drag en haute mer, l'épisode marque 3 innovations pour cette série, les Ursuit Larry. Le premier, c'est que c'est le premier à être côté ESRB, qui était mature pour le coup, parce que ça n'existait pas avant, tout simplement. Mmh. C'était aussi le premier avec des voix dedans, dont notamment un imitateur de Michel Galabru au début du jeu qui vous disait « Ah, cruchot, il faut sauter par la fenêtre !» Voilà, je vous invite à regarder. Très belle imitation, en tout cas. Et c'était aussi le premier et le seul à être vendu avec une carte à l'intérieur. À quoi servait cette carte qui était vendue dans le box set? Pour la vache. C'était une carte à gratter. Donc tout ce que tu as dit là, c'est des facts. Et nous, la question, c'est à quoi servait. Il y avait aussi, c'était le tout premier de la série, le seul, qui avait une petite carte dedans. J'en ai regardé beaucoup, parce que le JDG, il a fait des... Je crois, il a fait des... Aide-moi. Il n'a pas fait des... Vidéos. Il a fait des vidéos. Let's play, merci. Il n'a pas fait des let's play de ça? De Les Ursuit Larry? Ouais. Non. Mais il a fait des jeux textures, enfin des jeux. Ouais, un jeu de merde comme ça, oui, mais pas des jeux. Il a fait Fort Boyard en jeu. Non, je suis sûr qu'il a fait un truc comme ça, où c'est des drags vraiment nuls et tout. Là, ah oui, non, oui. Carte à gratter pour aller. Ça. Pour aller acheter fait, des. Oui, oui, bah il est exceptionnel. C'était pas un bon cadeau pour aller acheter des sextoys ou un délire comme ça. Attends, il avait une carte à gratter. Et donc. Ouais. Et c'était alors la carte à gratter, elle était dans tous les pays ou elle était que dans... La carte à gratter était dans le jeu, dans le avec le manuel. Genre la boîte, moi, je l'ai, la boîte est là. C'était il y a la carte à gratter dedans. Non, je l'ai plus. C'était comme ils faisaient dans les autres jeux, non, pour pouvoir installer le jeu, fallait gratter la carte. C'est un jeu de cul, forcément que s'il a fait son truc, c'est qu'il y a une blague avec le cul. Non, c'est juste que c'est un jeu de cul, mais après... Ah, tu vois. À quoi servait la carte à gratter? Je vous donne quelques temps de réflexion, parce que j'ai oublié de faire une citation à la fin, donc je tape citation. C'est compliqué, ça. Ouais, c'est dur, je dirais... Ah bah, il faut attends, une bonne... Soyez performant. Performez-vous. Dedans, il y avait une carte à gratter pour faire quoi avec? Ça mettre dans le... Je dirais que ça mettre dans le rectum. C'était pour... Je pense pas que ça serve in-game. Non. Ou alors... Quoique, il y avait peut-être un numéro de téléphone ou... Si je vous donne des indices... Non, mais si c'est une carte à gratter, ça veut dire que le numéro, il est unique à chaque fois. Sinon, tu mettrais juste un numéro de téléphone comme ça. Là, il y a une carte à gratter, tu la grattes. Donc c'est un code, quoi. Enfin, un numéro où le truc qui est dessus est unique. Genre un gagné perdu, ou tu vois ce que je veux dire. Ouais, donc le délire de protection du jeu... C'était pas plutôt un... Ouais, c'est peut-être pas un truc parental. C'était pas une bonne idée, ça. Un truc de protection parentale. Ah, il faut une réponse. Je pars là-dessus, c'est allez, on part sur un truc de protection parentale. On est à 18-16, hein, c'est ça. Ouais. 19. Bah, nous sommes à... On était à 19-16. Oui, 19-16. 19-16. Ouais. Bah, nous sommes à 19-17. Ouais. Merde. C'était une carte à graffer, parce que c'était le premier jeu en odorama. En fait, il y avait une petite carte, et vous grattez les odeurs à un moment dans le jeu. Il y avait une petite pastille de couleur qui s'allumait pendant le jeu. et on vous disait grattez la carte et dedans il y a une odeur. Oh le délire. Donc comme sur un peu comme les crados. Le CD. Ouais, ouais. Et là c'était odeur de petite fille négligée. Yep. Bah voilà. Il y avait des odeurs. Alors par contre, je crois qu'ils l'ont pas fait très longtemps parce que ça puait la mort. Il y a toutes les odeurs qui se mélangeaient dedans. Ah, merde. Et au final, c'était une carte avec que des odeurs de chiasse, tu vois. C'était l'oignon, l'oignon. Introuvable. Le... Ça, ça sent les nichons. Le vieux trou de balle. Non, ça sent le caca là. Le vieux trou de balle, l'oignon, le machin. Ah, mais attends, mais c'était c'est introuvable ça, moi d'avoir eu le non, jeu chez toi. J'adorerais trouver le jeu avec la carte non. Bah, le problème, c'est que ouais, non, mais je l'avais, mais je l'ai plus, malheureusement. Nous en sommes à 19-17. Cette citation que je viens de trouver à l'instant, puisque j'ai tapé citation sexe dans Google à l'instant, parce que j'avais oublié. Donc elle vaut combien de points ? Vaut 2 points. Bah oui, c'est le ah non, qui vaut 3 points. Oh ! Pardon. Ouh. Parce que maintenant il faut un gagnant. Au bout d'un moment, merde. Ah oui, hein, c'est... là c'est. Ah ouais. Est-ce que vous êtes prêts ? Qui a dit ? Jacques. Jacques a dit. La différence entre le sexe et la mort, c'est que mourir, vous pouvez le faire seul et personne ne se moquera de vous. Pouh. Alors attends. La différence entre le sexe et la mort. On a le droit de te poser des questions. Oui, c'est oui, ça. Oui, la mort, tu peux le faire seul et que personne se moquera de vous. Ça, c'est pas français, ça. C'est pas français. Ah, en plus. Enfin, là, c'est français, comme je l'ai oui, dit. Oui, mais le gars qui l'a dit, je veux dire. Du coup, c'est quoi ? C'est anglais ? Américain ? Ça, c'est américain, ça. C'est un gars qui fait des films, ça. Mm-hmm. Ça va pas être trop Woody Allen. Ouais, bravo. Merci. Oh, mais t'es trop fort, mec. Ah c'est bah tu sais c'est il y a du cul de la mort non, et c'est blague. Alors toi c'est pas d'oignon hein, c'est ça. C'est Woody Allen. Ouais, sans oignon pour moi Jay. Le taco sans oignon Jay. Puis moi c'est sans gluten. Taco sans oignon. Faut rappeler que okay. C'est Jay et Jack qui vont. C'est vrai Jay et Jack, ce sera encore plus compliqué de faire payer Jack. Jack on t'aime de là où tu es. Donc on est à combien là du coup 19 plus 3 ça fait 22. Ouais c'est ça. 22-7 largement. Non mais attends, de toute façon, trois émissions tu encore. Sais très bien que la dernière émission, il y aura une question qui vaudra 40. Oui, oui. Ouais, bah oui. Bah peut-être oui, 1 million. Mais on sait, c'est pas le problème. Le million. Eh bien, merci à tous pour cette... Ah, je voulais vous dire aussi, les Ursuites Larissette, il devait y avoir... Tu l'as senti C'était l'oignon. C'était l'oignon. Les Ursuites Larissette devaient avoir une suite qui s'appelait... Les Ursuites Larry explore Uranus. Ah ouais. Oh, okay. Quel jeu de mots. La planète, on a compris. Voilà, c'est juste ça, ça me faisait rire. À l'odorama, je... Uranus. Ah ouais, Uranus. Ça a été chaud. Avec l'odorama. On a fini. C'est terminé. On est à l'heure, à peu de choses près. À peu de choses près. Nous avons fini cette émission, ma foi, un petit peu alambiquée, bizarrement. À cause de ça a donné du mouvement, ça a donné de la voilà, consistance. Rebondissement. Entre les pages perdues de Yako, moi qui shoot dans le compresseur et qui a un problème de casse depuis le début. Mais nos auditeurs auront presque eu la recette du tagine. C'est vrai. On était pas savent loin. Pas comment le cuire, mais on n'est pas loin. En même temps, démerdez-vous, vous êtes sur Google. Nous allons nous retrouver le mois prochain. Je n'ai pas encore évidemment la date. On vous le dira comme d'habitude sur la page GameTrip.net, la page officielle Facebook, Twitter, toutes ces conneries, vous savez maintenant. On rappelle votre actu peut-être rapidement si vous en avez une. Yako, Juju, Jay, une page internet à recommander, une actu à suivre, quelque chose. Bon, moi pour l'instant, non, je suis. Eh bien, fin ta gueule. Voilà, moi je cherche prochain tuto, on verra bien. Ah, si vous avez des idées, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. On sera peut-être sur le zonage des consoles. Je sais que c'est un peu chiant, mais c'est besoin de le savoir. C'est intéressant. Si ça vous intéresse... Le nettoyage des consoles, non ? Le zonage. Non, le nettoyage, vu que t'as parlé du nettoyage des cartouches. Mmh. Non. D'accord. Ok, très bien. Ok. toi, tu vas à Blizzard. Chez Blizzard. Oui, voilà. Tout à fait. C'est bien. Putain, qu'est-ce qu'il est loquace. Et aller sur millennium.org, tout ça, tout ça. Voilà. Pour DBZ Cacarotte. Pour DBZ Cacarotte. Ok. Quel rapport ? Je ne sais pas. Pour toutes les solutions du jeu, vu qu'on en a parlé. Ah oui, vous mettez des solutions du jeu. Eh bah oui, mon gars. Oh, c'est incroyable. Bah, mais les solutions, elles sont pas dans les animés ? Ouais, en fait, oui. Ouais, tout est spoilé, en fait. Le jeu est spoilé on complet. On sait déjà, non ? Ah non, mais de toute façon, la ligne directrice, il n'y a pas de solution, effectivement, il n'y a pas besoin. Hein. Ah ouais, c'est. Ouais. Et puis du coup, vous pouvez également nous suivre pour le worst of des pires moments. Ce sera mis en ligne. Si vous regardez cette vidéo en VOD, ce sera peut-être déjà mis en ligne. Vous allez sur la page YouTube de Game Trip évidemment. Vas-y, baisse ton froc, comme ça rajoute un truc. Ce sera dans quelques jours. Si évidemment vous nous écoutez en podcast, vous pouvez aussi nous retrouver sur Spotify bientôt. C'est la grosse nouveauté. On se suit aussi sur facebook.gametrip.net, twitter.gametrip.net et sur le Discord. Les nouveaux forums de Game Trip, c'est discord.gametrip.net. Et puis voilà, si vous nous avez suivi ou si vous voulez nous réécouter, si vous tombez après, vous allez juste en dessous, vous avez les time codes qui permettent d'aller aux différents moments de l'émission. On se dit au mois prochain, suivez-nous pour connaître la date de la prochaine émission en mars. Mars, tout à fait, oui. Novembre, c'est un peu loin. C'est vrai. Vous voulez dire avril? Avril. Est-ce que c'est repoussé? En avril. Non, parce que oui, voilà, c'est ça, les trucs repoussés. Vous savez, les jeux triple A. Oui, mais c'est parce que comme ça, c'est meilleur. Voilà. Non, mais, bien sûr, exactement. Les pages sont pas mélangées. Et en plus, vu que t'as un mois pour faire ta prochaine chronique, t'arriveras à le faire dans l'ordre, c'est pas. Alors, petite précision, j'ai fait imprimer ces trucs-là pour ma copine, elle m'a dit pagine, hein. Tu pagines bien, hein. Ouais. T'étais en train de jouer, ouais. Oui. Ce que tu as fait après avoir écrit. Exactement. Tu viens de le faire, après avoir lu ton. J'ai paginé au stylo. voilà. Et puis, on se voit aussi sur GameTree.net, évidemment, avec plein de tests publiés, des dossiers. Il y a sûrement plein de tests qui vont arriver maintenant qu'on a ouvert 2 ans de plus. Ben voilà, ça va nous permettre de sortir d'autres tests plus vieux. De jeux plus vieux. Et puis notre grand concours de la console de tous les temps, ça continue. Allez sur GameTree.net, tout en haut, vous avez un petit bandeau pour voter pour vos consoles favorites. Il faut voter, ouais. Voter pour la Saturne. Tu peux nous rappeler ce que tu veux dire, truc. Exactement. Truc, merci de nous écouter, Jay, c'est sympa. Truc, ça veut dire le tournoi rayonnant de l'ultime console. Tournoi rayonnant de l'ultime console, voilà. Donc votez pour le truc en direct sur GameTree. On se dit au mois prochain. Bisous tout le monde. Ciao. Et portez-vous bien pour cette Saint-Valentin qui est finie. C'était hier. Hier, bonne nuit. Bonne nuit, ciao. Bisous, bisous. Ciao, ciao. GameTree.net, la référence des jeux vidéo oldies. Suivez-nous également sur GameTree.net. www.GameTree.net.